Son retour pour une 5e pré-saison encore plus folle. Boustique. Hey Jamy, t'as vu ce que je viens de trouver? Oh, une châtaigne. Oh, t'as déjà vu une châtaigne de cette taille? C'est un hérisson. Kogumaza. 12 cm pour seulement 350 grammes. Et il a pas un poil sur le caillou. Elki. Cet animal a l'étrange particularité d'avoir deux pattes plus courtes d'un côté que de l'autre afin de progresser aisément sur des pentes abruptes. Dandy. Passe un temps fou à se toucher, à se renifler. Tagazou. L'animal se met à absorber de l'eau. Beaucoup d'eau. Il va gonfler, gonfler, s'épaissit et durcit. L'infernal. Ça y est, Jamy, regarde, j'ai trouvé mon bonheur. 4 mètres de long, 40 kilos. Quelle bande de dégénérés. La voix du geek. Tous les mardis, 19h21h, sur Eau de Radio. Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek. L'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. C'est pas vrai? Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek saison 5, mesdames, messieurs. Allez, nous sommes en direct, on est parti pour une bonne heure et demie de jeux vidéo et de bonne humeur comme chaque mardi. J'espère que vous allez bien chez vous de l'autre côté du transistor en cette chaude journée, mesdames, messieurs. Il a fait au moins 70 000 degrés, c'est un truc de malade. On nous dit, tiens, c'est Sgrog qu'on embrasse sur le chat qui nous dit en cette fin de chaude journée. Ah non mais carrément, on en vient presque à vouloir un orage. Non mais grave, hein. Yes, en tout cas on est en direct hein, ce soir, bonne émission parce qu'on va débriefer l'E3 mesdames, messieurs. Ouais. Et alors, mais Tagazu il arrivait avec une banane hallucinante. Je vais voir Mario Odyssey. La putain de truc quoi. J'étais content. Ah mais de ouf quoi, bref on va en parler dans un instant. Et puis voilà, comme d'habitude on est en live aussi sur Twitch, hein, twitch.tv/lavoixdugeek, la voix avec un E. On est en image, il y a des caméras dans le studio, salut à vous. Le chat est ouvert, vous pouvez laisser des messages Facebook, Twitter, et puis moi je dirai tout en direct. Alors qu'est-ce que ça nous raconte sur le chat? Tiens, pour commencer, salut les amigos, comment ça va? Dans 15 jours je débarque dans votre ville, j'espère qu'on pourra se voir l'Infernal. Bah écoute, avec plaisir, une bonne petite cuisson. J'ai pas encore le son et la vidéo, la pub en chie. Ah oui, bah oui. Ouais. Alors ça d'ailleurs, faudrait qu'il fasse un truc, parce que c'est pareil sur PlayStation et sur Xbox, à chaque fois que tu regardes un stream, juste avant, il y a une publicité qui dure presque une minute. Et en plus c'est des enfoirés parce que parfois la diffusion est arrêtée, mais avant qu'ils te le disent qu'elle est arrêtée, ils te mettent quand même la pub. Donc tu tapes la minute de pub, il écrit la diffusion est arrêtée. Donc je les oute. Et il serait quand même temps qu'on soit rémunéré pour ça, parce qu'on stream beaucoup juste avant nos streams, il y a des tonnes de publicités et on n'est pas rémunéré comme sur YouTube tout ça. Donc c'est un petit peu dégueulasse. Non mais carrément, faut coup de gueule de l'Infernal. Je pense que tu rêves. Voilà. Bah oui, non mais bon, pourquoi non, pas. Non mais ouais, dans la logique ça voudrait dire, enfin ça serait normal qu'on soit rémunéré pour des streams. Effectivement, comme YouTube peut le faire ou Twitch. Bah carrément, surtout que mais c'est surtout que les pubs, il y en a beaucoup et elles sont très longues. Et puis à chaque fois que tu te machins, que ouais, tu repars. Il y aurait pas de pub encore, bah ça irait quoi. Ouais, mais dès que tu putain, je suis désolé. C'est ma première semaine de reprise de boulot, je suis au bout de ma vie. Je suis rouge comme une écrevisse, j'ai repris mon vrai métier, charpentier. J'ai passé 2 jours sur les toits, j'en chie ma mère. Avec comme Jésus, non, comme père de Jésus. Tu sais que j'ai eu un signe tout à l'heure, c'est vrai. Wow. J'ai eu un signe parce que c'est très orageux et du coup les oiseaux volent bas. Et en fait, on est quasiment au plus haut de la ville de Bordeaux. Hein. Il n'y a pas d'immeuble plus haut, en fait. On est à côté de la porte Caillot. Donc, on est très haut. On est presque à 30 mètres de haut. Hein. C'est le plus grand échafaudage de la ville. Et à un moment, il y a une espèce de rapace qui est passé. Et derrière, on voyait Péberlan. Ah mon gars, j'ai failli faire triangle et synchroniser. Ah, je te jure. C'est ce que j'allais dire. Fais gaffe, s'il y a une botte de paille en bas, il faut que tu sautes. Ah, mais ça y est. Faut que tu sautes. Ah putain, toute la journée, parce que toi, t'as les monuments, t'es hyper haut, c'est assez agréable, mais mine de rien, comme métier, même si c'est difficile. À quand un Assassin's Creed à Bordeaux? Assez Bordeaux, mon gars. Ah ouais. T'imagines le truc de ouf. Yes. Bon, en tout cas, voilà, une bonne émission ce soir en débrief le 3. Et ça, c'est cool. On s'écoute du bon son à la nuit, on s'écoute Vedette. Tiens, c'est un morceau qui est en rotation sur O2. Mais je le quitte plus, un morceau qui me fait kiffer. Et on va s'écouter un petit Jay-Z à 20h. Bref, on fait vite. Il est là, il est beau, mesdames, messieurs. Tagazu. Oui, bonjour à tous et à toutes. Heureux, comme tu dis, la banane. Ça fait here we go. Voilà, non, je viens de voir la conférence Nintendo, donc je suis encore un peu voilà, faut que ça retombe. Et bah je vous dirai ce que j'en pense après. Et sinon ma semaine bien, pas trop joué quand même aux jeux vidéo avec ce beau temps, je suis un peu sorti, je n'ai pas geeké. Mais voilà, je me suis replongé toujours pareil sur du Zelda de temps en temps, ça fait du bien. Mario Kart aussi. Yes. Même si c'est exactement le même que voilà sur Wii U. Et ouais. Mais voilà, j'ai trouvé que le fait qu'on peut choisir son carte et téléguider et tout, finalement ma fille aime bien parce que franchement elle a que 7 ans et c'est pas si mal que ça quoi. Tout le monde crie des fois oui voilà maintenant on peut téléguider et puis mais comment ça téléguider? En fait il avance, il est vite d'aller trop dans un mur quoi. C'est un ça mode suit, en plus c'est un, non c'est tu peux choisir dans les options ton carte, tu peux choisir, il y a une petite antenne qui apparaît derrière ton carte et en fait il suit un rail comme ça et elle bouge un petit peu pour aller à droite à gauche mais comme ça c'est vite qu'elle aille dans les murs. Bah pour les plus ça, petits c'est cool. Voilà, c'est cool et puis il y a aussi le mode accélération automatique, voilà. D'accord. Les deux comme ça, hop, elle est partie. Elle est tout le temps première. Non, elle est toujours dernière. Elle est toujours dernière, mais bon, aussi, il faut dire que je joue en live, contre les gars en ligne. Et ça doit pas être ça. Voilà, c'est pas simple. Donc, je lui ai pas dit à chaque fois, elle comprend pas, mais je suis toujours dernier. Ouais, et toi, toujours pendant les trois premiers. Ouais, bah, c'est comme ça. Prends la compétition, la dure loi de la vie. Bah oui, carrément quoi. Et puis, il est encore là, il est encore venu nous rendre visite, mais c'est ça qui est bon. Il est là, mesdames, messieurs, Mokmo. Salut tout le monde. Une carte de fidélité, on peut lui faire tamponner peut-être. Non oui, ça serait bien, oui, parce que j'ai un menu gratuit à la fin, non? C'est ouais, ça. Voilà. On va monter à nous deux le club des deux roues qui avancent pas. C'est ça. Les bikers. Les bikers de deux radios. Oh putain. Les Hells Angels. Carrément. Mais carrément. De 45 km/h, pas plus. Ah bah, faut quand même pas déconner, quoi. Bah, t'as passé une bonne semaine? Bah, écoute, plutôt crevante aussi, mais. Mais ouais, hein, déjà le 3 m'a hypé à mort avec pas mal de jeux, on va en parler, mais je suis bien là. Yes. Bon, on attend Quentin, Wayne, pardon, mon dieu, j'ai dévoilé son identité secrète. On attend Wayne et Kogu sûrement qui vont arriver dans pas trop longtemps là. Et puis bah moi aussi, petite semaine. Alors, sachant que la semaine dernière c'était ma dernière semaine de liberté, on va dire, donc j'en ai bien profité, on a beaucoup avancé sur Darksiders 2. Alors il reste deux boss avant la fin, mais en fait c'est deux boss avant lesquels il faut finir tous les trucs annexes, sinon si tu les passes tu peux pas revenir. Donc faut pas faire la boulette, tu vois, avant le New Game Plus, faut pas voilà, donc je refais tout ce qui manque et sur les 200 pages, il m'en manque une quoi. Et je sais pas où elle est. Oh, ça c'est terrible, ça, quoi. C'est terrible. Et le jeu il est hyper vaste, c'est un truc de ouf. Le 2 il est énorme hein. Et même si tu cherches sur des guides et tout sur internet, comment savoir quelle est la page que t'as? Alors, Dieu merci, elles sont un peu triées, elles ont des noms par zone et tout, mais je me rappelle plus lesquelles j'ai prises, quoi. Enfin, il y en a tellement, elles sont en plus, c'est vrai, c'est des enfoirés, tu vois, elles sont cachées dans des endroits de ouf. Enfin, voilà, je me rappelle plus. Je sais plus. Donc, il m'en manque une et je suis un peu comme un con. Voilà. Et puis sinon, j'ai chopé, tiens, pour zéro, Wipeout. Tu sais, la compile sur PlayStation 4. Eh ben, c'est comme à l'époque. Hein. J'y arrive pas. C'est... Moi, je trouvais que c'était un jeu déjà à l'époque que pour les... fallait pas être épileptique. Oui, carrément. Et voilà. Par contre, c'est hyper beau. Hein. C'est hyper beau, mais voilà quoi. Ah, ça envoie. Ça fuse, quoi. Ouais, carrément. Il faut avoir le cœur bien accroché. C'est hyper dur. Dans les virages et tout. Waouh. Mais c'est hyper dur. La conduite est super tendue. J'arrête pas de me cogner. Enfin, voilà. C'est un truc de dingue. Ça dérape à mort. Une espèce de latence dans les virages. Et oui, ça fait. Voilà, ça glisse et tout, qui fait qu'il y en a qui aiment, mais c'est vrai qu'il faut bien maîtriser. Du coup, je suis à la toute première course de la toute première de la collection. Je dois finir premier. J'arrive pas à dépasser deuxième. C'est un truc de ouf. C'est hyper beau, du coup, tu sais, tu regardes un peu partout. Et puis la musique et tout. Ah ouais. Non, c'est génial. Tiens, il y a Goustic qui vient d'arriver sur le chat. J'envoie les applaudissements. Bon, les trêves de plaisanterie, on va tout de suite attaquer dans le gras, mesdames, messieurs. On va parler de l'E3. Alors, on va les faire dans l'ordre chronologique. Alors, ça a commencé avec Electronic Arts. Ah oui. Alors, Electronic Arts, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé hier? Ah bah, du bon. Ouais, c'est carrément. Très bon, même. Alors, Mokbo va peut-être nous en parler parce que c'est toi qui as été le plus hypé par cette conférence. Oui, carrément. Eh bien, écoutez, j'ai mis une autre petite bande son derrière, ça va changer. Je me suis fait un petit résumé, donc je vais vous dire tout ça. Mais... Si tu veux aussi, je l'ai sous les yeux. Alors déjà, le Need for Speed Payback. Moi, ça fait longtemps que j'attendais un bon jeu de bagnole qui déchire. Je suis pas sur Xbox. Quentin, Wayne m'a parlé de Forza, mais moi perso, déjà Forza, c'est un peu plus simulation, je trouve. Moi, j'aime bien les trucs qui déchirent à la Burnout, quoi. Et là, le Need for Speed, clairement, il a un gros côté burn-out avec des takedowns, des poursuites, des trucs. Ça explose dans tous les sens. Et graphiquement, il déchire, quoi. Déjà, rien que ça. Ce qui serait bien, c'est de les faire dans l'ordre. Parce que du coup, ils ont commencé par Battlefront, il me semble. Non, Battlefront, c'est, ils ont terminé par Battlefront. Ah bon? Désolé. Bah, c'est moi. Alors, j'ai le truc à l'envers. Parce que normalement, moi, j'ai écrit les trucs, dans l'ordre. Yes, ok, ok. Non, ils ont peut-être commencé, par contre, par tout ce qui est, sport, NBA, FIFA, 18, Madden. Ah oui, carrément. 18, Madden. Voilà. NFL, je crois qu'ils 18. Ont commencé par ça. C'est toujours le morceau un peu relou du truc. Ouais, voilà. Après, si on aime, c'est sympa. Personnellement, le NBA, NBA Live m'a bien hypé. Yes. Je l'ai trouvé très beau. Il y a un mode, street, un petit peu, à 3 contre 3, qui a l'air vraiment sympa. Je ne l'achèterai sûrement pas, mais, mais voilà. Mais c'est beau. Mais c'est. Non, franchement, il a l'air cool. Moi qui adore le basket, franchement, on me l'offrirait. Ah, je dirais pas non. Bah oui, bah évidemment. Mais je dirais pas à la boutique moi-même, quoi. Voilà. Yes. Et ouais, Need for Speed, donc Payback, prévu pour le 10 novembre prochain. Et comme on disait hors antenne tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a, dans cette E3, toutes les conférences confondues, on a vu beaucoup de jeux pour 2018, en fait. Bah, ouais, oui, voilà, clairement. Il y a des années d'avant, c'était vraiment pour le Noël qu'approchait, ouais, avec des jeux très aboutis. Mais maintenant, avec toutes les fuites qu'il y a sur Internet et tout, c'est impossible de tenir, un jeu abouti jusqu'à un E3, juste avant Noël, je si pense. Tu regardes l'an dernier, beaucoup de jeux étaient déjà pour cette année ou l'année prochaine, et voire certains ne sont toujours pas sortis. Voilà, oui, ça a été repoussé. C'est un peu la mode aussi de repousser. On ne connaît toujours pas de date. Voilà, les projets. Mais bon, après, on attendra pour certains. Carrément. Donc on a appris beaucoup de choses. On sait qu'on ira en ville, qu'on ira dans le désert. Il y aura beaucoup de choses. À côté Driver aussi. Oui, un peu. PlayStation. Très scénarisé en plus, donc ça a l'air vraiment. Ça me plaît en tout cas. Et un côté un petit peu trop à mon goût Fast and Furious, quoi. Ah oui, c'est Need for Speed, quoi. Ouais. Enfin, Need for Speed ou de Fast and Furious a copié l'un sur l'autre. C'est la poule qui vient si en premier. Si tu regardes depuis des années, depuis qu'ils sont passés sur du Underground ou des. C'était quoi le Need for Speed Most Wanted et tout ça. Mais le premier, je parle. Hein. Déjà à l'époque, il y avait ce côté un petit peu. Oui, il y a toujours eu ce côté Fast. Moi, ce qui me fait rire dans. Ce qui me fait rire dans les comment il s'appelle déjà ce jeu Need for Speed. Ce qui me fait beaucoup rire moi, c'est que à peine tu frôles la voiture, elle part dans les airs. Tu sais comme les films américains, le gars tire dans les pneus, la voiture elle explose quoi. Mais c'est le côté burn-out. Mais oui, clairement. Ça me fait kiffer quoi. Carrément. Mais écoute, pourquoi pas aussi. À voir. Moi j'aime bien aussi, sachant que le précédent Need for Speed, on en avait fait une émission et j'avais fait le platine dessus justement. J'avais bien aimé. Sauf que il se passait tout le temps de nuit quoi. Ah bah alors ça je déteste ça. C'était un peu relou. Ça me gave. Le fait que ça tombe pas dans le paysage et tout, que ça change pas de temps et tout, ça c'était relou. Tiens, salut à Krug qui nous dit dire que je jouais déjà Need for Speed sur mon PC en 1990. Ouais. Eh oui, ça ne rajeunit pas. Yasgro qui nous fait le seul Need for Speed que j'avais testé pour ma part, c'était celui sur Vita. Underground avait un d'OST, nous dit Cascouille. Sur Vita, oui, on l'a vu d'offert, il me semble que c'était le Most Wanted. On l'a vu de gratos, gratos, ouais, carrément. Bref, allons on enchaîne parce qu'on a mine de rien, on a du pain sur la planche. Et bien juste après, Y avait le jeu peut-être qui a peut-être hypé le plus Wayne, on va peut-être l'attendre de BioWare. Alors, je crois qu'il était juste. Ouais. Après, on l'a à peine aperçu lors c'est de ça. La. C'est ça. Peut-être on n'a pas parlé dans la conférence Microsoft. Microsoft, je pense qu'on va parler de ce jeu. Voilà. Sinon, il y a eu Battlefront 2. Eh oui, voilà surtout le Star Wars surtout ça 2. Qui même si on avait eu des images juste avant et un long trailer là il y en avait un peu plus. Là il y a eu le mode multi il y a eu 20 minutes rien que de ça quoi. Ouais, c'est ça. Alors donc, j'aurais bien pour aimé moi voir ça sera le mode Day solo One qui devait être révélé. Moi aussi, pareil. Il devait être révélé lors de la conférence Sony, malheureusement pas de mode solo. En vue. Ah oui, ça c'est ce que donc, tu m'as dit. Ouais, c'est vrai que j'avais zappé. Un peu déçu. On vu qu'il y a eu 20 minutes à y moi j'en demandais pas plus quoi. Parce que c'est vrai que c'était s'est long. Fait chier. La fin, on s'est fait chier. Ils auraient dû couper au bout d'un moment. Toi, cette conférence y est, ce que je te disais aussi, moi c'est pas celle-là qui m'a le plus hypé. J'ai trouvé que c'était un peu long. C'était voilà. Trop long. La c'est fin trop était long. En fait, ils auraient dû montrer un petit peu le multi, ouais, et montrer le solo. Vu que ça n'a pas été montré chez Sony, ils auraient dû montrer le solo en même temps quoi. Là, ils ont fait 20 minutes de mode multi ou un quart d'heure, je sais pas, mais enfin moi ça m'a paru une éternité, je me suis fait chier quoi. Bah après c'est hyper beau en tout cas, on a pu voir après, un assaut galactique beau, sur Naboo, je pense que tu t'éclates mais l'assaut galactique sur Naboo, c'est un truc. Voilà, moi ça m'a retourné la tête, donc ce sera Day One pour moi. Tu te voyais déjà dans le vaisseau et carrément, en plus tu vois les soldats au sol et toi tu es dans le vaisseau en même temps et t'éclates tout le monde. C'est génial. Avec Dark Maul aussi. Oui, personnage préféré de Star Wars. Ça va être ouf. Mal, ça va être ouf là. Carrément. Donc apparemment, il y a des nouvelles planètes, il y a un nouveau système de progression, une nouvelle personnalisation. C'est vrai que dans le Battlefront 1, c'était un peu chiche quoi. T'avais juste des têtes. Ouais. C'était pas ouf non plus quoi. Ça arrivait surtout que au bout d'un moment. Tu voyais toujours les mêmes. Ben oui, c'est ça. Après, c'était des clones dans, du côté. Oui, donc de ça se tient. Ça se tenait pas. T'avais toujours les Stormtroopers noirs. Bon, lui, il est balèze, il a bloqué le système de trucs. Ouais. Mais c'est vrai que c'était souvent les mêmes. Alors, ils auraient peut-être pu se lâcher un peu. Ouais, sauf que c'est pas que des clones en fait. Oui. Attention. Attention. Dans les premières versions, enfin dans les premières versions, dans le 1, 2, 3, c'est des clones. Mais après. Voilà, ça. Plus des clones. C'est plus des clones, c'est vrai. Donc bon. Enfin. Alors attends, on nous dit. Alors c'est Sgrog tiens qui nous dit, j'attendrai un peu pour le Battlefront 2. Faut que je me remette et avance le 1 déjà. Comment ça, pas de campagne? Ben il y a un mode campagne. Ah oui, c'est juste solo, qu'on l'a pas vu. Oui, on l'a pas vu. Il devait être montré à la conférence Sony. Ah non, pardon, c'est qu'il l'a mis en deux temps en fait. Ah ouais. Ben, pas de campagne, ils vont perdre des clients, c'est la grosse critique du premier. Ben oui, OK. Sachant que dans le 2, il y en aura une. Il y en aura une dans le 2, ouais. Et qui sera un peu original en plus. Parce que du coup, on incarnera donc les méchants. On a vu l'actrice qui présentait le jeu justement jouera un rôle du coup dans le jeu avec une histoire totalement originale. Donc c'est pour ça que j'attendais de voir un petit peu ce que ça allait donner parce que ça m'a l'air bien cool. Carrément. Bon, Battlefront, lui, il est prévu pour j'ai pas 2018. La date. 2018. C'est pas la rentrée là en septembre octobre. J'ai un doute. Hein. Non, il me semble attendre. J'ai l'information. J'ai l'information sur j'ai mon téléphone. J'ai l'information sur le téléphone directement à Monsieur Lucas. George, oui, allô George. Allô George, ça je va ma couille. À la retraite, bonheur. Qui s'en fout vu qu'il a vendu tous les droits. C'est clair. Yeah. Il peut se passer n'importe quoi. Et faire des films Star Wars, lui, du moment qu'il en poche. C'est ça. Ah bah il se régale hein. En tout cas moi juste parler du DLC de Battlefield 1. Oui. Bon après c'est vrai que les DLC à l'E3 voilà c'est un peu chiche, c'est un peu relou. Ouais. Bah, c'est un peu relou. Je trouve ça un moyen de mettre des DLC. Les DLC C'est qu'ils ont rien à se mettre sous la dent. C'est un peu pour étoffer le truc. Maintenant ouais les mecs ils t'annoncent un DLC comme si t'annonçais un nouveau jeu. Mais voilà. C'est le ça jeu, quoi. Je l'ai ça. Déjà. Annonce-moi voilà. Autre chose quoi. Ça a été fait aussi chez Sony. Hein. Ouais, ah ouais, mais partout ouais, hein, ils l'ont tous fait. Carrément. Cette année ils l'ont tous fait. Hein. Bientôt il y aura bientôt ça va être des conférences DLC. Non, ce que j'allais dire. Tu te reconnais. Bon alors voilà. Bon qu'est-ce qui vous attend cette année? Alors bah tous les jeux qu'on a sortis, on a sorti des DLC. Alors le nouveau DLC. Capcom t'annonçait tous les nouveaux personnages à chaque fois dans des conférences. Et c'était le cas dans la conférence Xbox il y a quelques années quand ils avaient annoncé la saison 2 de Killer Instinct. Ah oui. Au tout vrai. Début. Alors toi t'es là, t'es... Bah c'est la saison 2 donc il y aura deux nouveaux persos les gars. Voilà. C'est sympa les mecs. Bah merci. Là juste pour dire que In the Name of the Star, ou Tsar, voilà, je le prononce très mal. C'est pas Star, c'est dans un Tsar. Anglais impeccable. Dans un anglais impeccable. C'est sur le front russe en fait. D'accord. Non, donc, c'est pas vrai. Arrête. Ah, c'est... In the Name of the Tsar. Tsar! Je croyais que c'était dans une galaxie et tout. Non. En fait, c'est une baston. Moi, je suis direct dans les étoiles, hein. C'est, non, mais c'est juste pour dire qu'il n'y a pas encore ces putains de français, quoi. En fait, c'est une baston, mais qu'avec des Ruskov, c'est Battle Tsar, en fait, ça s'appelle. Voilà. C'est que, voilà. Mais les français, ils sont pas déjà sortis, non? Si, c'est un DLC qui arrive. Si, oui. Non, c'est le DLC qui va arriver. Ouais, il arrive bientôt. Oui. Bientôt, mais bon, voilà. Et là, on va voir tous les mecs courir avec des bérets, des baguettes sous le bras et tout. Ah ouais, c'est le clip. Ils auront mis des gros clichés, donc. Sur le champ de bataille. Du coup, voilà. Après, Alors si, et si Electronic Arts, ils ont pondu un truc, moi j'ai halluciné, A Way Out. Oui. C'était quoi ce truc avec les deux gars qui s'évadent de prison en coop? Ça je me suis régalé devant. Pareil. Coop total. En écran split et en plus en qui arrivera plus tard total. Apparemment. Avec qui plus tard. Des phases où il y a un joueur en cinématique, l'autre qui est en train de jouer, ou les deux jouent en même temps. C'est ça. Il y a du véhicule, il y a... De la prison où il faut s'échapper. C'est ça. Les deux frères doivent se barrer et ça m'a l'air vachement sympa. Ça a l'air sympa. Entre potes, ça doit être bien. J'aime beaucoup le personnage Cairo Flaquette. Il me fait beaucoup rire. À un moment, il est contre le mur comme ça. Il, a... il fait qu'il fait. J'adore l'infernal. Le détail. Ah ouais, le grave, détail. Mais... Des roues flaquettes. Il a des roues flaquettes de ouf. Et le détail, il se tape un pif de ouf, quoi, le mec. Ouais, grave. Alors, apparemment, c'est par les créateurs de Brother Tales of Two Song. Alors, ça, c'est le jeu, on vous le conseille, mais faut avoir le moral, mon copain. Parce qu'il y a tout le. Bon, je vous raconte pas, mais. Non, non, c'est. Mais c'est un truc de ouf. Ça va chialer dans les chaudières. On l'a vu gratos. Ouais, ouais. Je suis arrivé à la fin du jeu, je dis ah, mais c'est pas possible. Oh, ouais. Putain, ma vie c'est de la merde. Ah mais grave. Mais putain, laisse tomber quoi. C'est bon, j'arrête là, c'est bon. Je plaque tout quoi. Donc ouais, ce sera jouable machin. Alors apparemment en fait, c'est deux frères, c'est Léo et Vincent. Ah non, ils sont même pas frères, ils se connaissent pas à la base. Et il faudra ah, qu'ils. Moi j'avais compris la même chose aussi dans le récap que j'avais lu. J'avais bah pareil. C'était frères. Et en gros voilà, donc ils vont apprendre à cohabiter et puis à faire une seule personne pour pouvoir s'évader. Donc ça peut être pas mal. Ouais, par contre attention, le jeu sera qu'en démat et le mode écran splitté arrivera que plus tard avec une mise à jour. Non. Eh oui. C'est pas de sympa. Alors ensuite, attends, EA ils ont parlé de Seeds. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas fait gaffe moi. C'est apparemment c'est leur savoir-faire technologique. Alors attends, ça je l'ai pas noté parce que ça a dû me faire chier. Oui, voilà, ouais, non mais clairement, clairement. Ah, en fait, le petit résumé, retiens en fait l'information qui nous. Il filtre quoi. Tu filtres. Non mais ouais, je crois que ouais, ils ont ouais, c'est ça. Ils ont montré un jeu en multijoueur. Mais ouais, c'est. Franchement, ça m'a fait penser, tu sais, à l'époque où ils ont fait merde, c'était quoi ce jeu sur PS3 militaire comme ça où tu devais jouer, c'était qu'en ligne et putain, on se faisait chier. Et ben là, ça m'a fait penser à la même chose quoi. Non mais carrément. C'était un énième Battlefield ou Call of mais en version bof quoi. Ouais. Alors ce qu'on va faire, c'est que pour la conférence Microsoft, on va attendre Wayne parce que du coup lui il a la One et donc il sera beaucoup plus hypé, voilà, on va passer ça. Direct à Bethesda. Juste alors, un petit coucou une seconde à Jojor d'Ananas. Salut, j'ai perdu mon porte-monnaie depuis la conférence de Sony et d'Ubisoft. vous aussi, non, mais clairement. Ouais, clairement. Clairement moi enfin je dirai après mais c'est les conférences qui m'ont plus hypé. Ouais, carrément. Alors il y a Zgrog qui nous dit qu'il a pas eu d'énormes hype. Mais moi j'ai déjà ma liste mon plan de vol pour l'année. C'est précommandé, il y a des jeux qui sont déjà précommandés. Pareil. J'ai déjà cassé mon PEL. Non mais complet. Si il y a eu du bon dos ça. Je voulais ouais, oui. Vas-y. Non mais je disais on a été surpris par certaines annonces malgré voilà, on se disait en fait j'y attendais pas grand-chose de cette E3 et finalement je pense que c'est la meilleure optique à faire, c'est de se là, dire balancer du voilà, du jeu quoi. Et finalement ils ont balancé, il y en a certains qui ont balancé pas mal de jeux mais parlons de Bethesda justement. Non mais en fait je voulais faire une petite parenthèse juste avant parce vas-y. Avant Bethesda, moi j'ai eu une sacré hype pour rester poli. Demi-molle, tu peux le dire. Ah non mais là c'est dans la voix du geek. Là c'est même plus une demi-molle hein, mon gars. Là c'est le Brakmar direct. Un nouveau trailer de Kingdom Hearts 3. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Chez Square Enix. Alors moi j'attends ce jeu certains attendent Shenmue 3 dont je fais partie également hein, forcément, mais là Kingdom Hearts 3 allez-y les mecs quoi. Faut y aller. Oui. Bosser un petit peu parce que là je commence à plus en pouvoir quoi. Ouais, les remixes, les machins, les HD et tout, ça va un moment. Là, il est temps de balancer le Kingdom Hearts 3. Donc ils nous ont sorti un petit trailer qui a fait plaisir. Mais en gros, ça veut dire qu'il va sortir dans 15 ans quoi. Mais ouais, là ça me tarde. Là ça me tarde. Voilà. Ouais, bah c'était écoute. La petite parenthèse Square Enix. Non, mais tu fais bien. C'est vrai que c'est étonnant parce que Square Enix, ça fait partie des éditeurs qui se sont complètement. Ah, ils étaient complètement effacés. Voilà, hein. qui ont dit stop quoi. Alors ouais, après, s'ils ont pas 10 Fantasy, jeux à proposer non plus. Ouais. Enfin, tu vois, ça sert à rien de venir pour proposer rien. Enfin. Alors si, ce qui a été annoncé chez Square Enix, il me semble que c'est chez eux. Hein, c'est le Life is Strange 2. Oui, alors il est dans la liste après. Ouais, il a été montré plus tard. Hein. Ouais, mais, carrément. Square Enix. Ça peut être sympa. Alors ensuite, attendez, on a dit Bethesda. Paf, que je retrouve la page. Donc, je vais vous laisser parler parce que moi je m'en fous. Il y a quand même des bons trucs. Il y a des bons trucs, mais c'était très timide, je trouve, cette conférence. Très, pas grand chose à se mettre sous la dent. Enfin, il y a des choses, mais. Il y avait des beaux trucs, hein. Je dois le reconnaître. Ouais, mais sachant les licences qu'ils ont, Bethesda, à un moment donné. Je m'attendais à mieux. Voilà, c'est ça. Ils ont quand même, bon alors, j'ai envie de dire pour les fans de Mass Effect, voilà, ils ont eu leur Andromeda il y a pas longtemps, donc ils peuvent pas, voilà, ils peuvent pas se, c'était Bethesda. Non, c'est Alec Bioware, que voilà, pas du tout. Mais t'as Skyrim, Elder Scrolls, il y en a, enfin on va faire la liste. Mais voilà, il y a des grosses licences chez Bethesda, Fallout. Alors après, ouais, par contre, par rapport à Fallout, moi j'ai trouvé très bien qu'ils montrent un peu de VR. Ah voilà, il y avait beaucoup de VR. Parce qu'apparemment, ils le font en version VR. Alors attendez, hop, je viens de sortir un pop-up, comme ça, ça lagra moins pour le chat. Voilà, impeccable. Donc du coup... Commencé sur Evil Within 2. Exactement. Alors ouais. Moi, par exemple, le 1, je suis complètement passé à côté, quoi. Ben moi aussi. Evil Within, j'ai complètement détesté. C'est un espèce de survival horror. Par le créateur des Resident Evil. Exact. Qui est passé du côté de Bethesda. Ouais. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Mais voilà. Non, mais moi aussi, je m'attendais à un super jeu et finalement, c'était un mix de plusieurs trucs. Ouais. Et... Il a ses fans, hein. Oui, non, mais clairement. Fans, hein. Clairement. Mais ouais, moi je. Et le 2, déjà, ça m'a fait pareil, le même effet. Tu vois, ça t'a fait le même effet, toi aussi, le 2. Le, rien à foutre. Voilà, c'est ça. Carrément. Bon, il est prévu pour le vendredi 13 octobre sur PC, PS4 et Xbox One, Evil Within 2. Ouais, non, tu vois, c'est pas le genre de jeu. Par contre. Voilà. Ah, merci, Jojor d'Ananas pour le follow. Bah, j'ai pas les poètes, je t'envoie une alarme, tiens. Voilà, je viens de casser un autoradio quelque part en France. On a vu le trailer de Wolfenstein 2. Ça New Colossus. Et moi, ce que j'ai kiffé dans ce trailer, c'est cette espèce de mise en scène où tu vois une petite fille qui court dans un champ et tout. Ouais. C'est genre la petite maison dans la prairie. Et il y a deux mecs, dont un qui est bloqué sous une bagnole. A priori, ils ont eu un accident. Et l'autre essaye de soulever la voiture avec un bâton. Et t'as la gamine qui est là, qui fait « Alors, je me rappelle plus du nom de ce truc-là. Et t'entends « Vroom, vroom. » Et t'as un gros robot qui arrive. Et j'aime bien, moi, les trailers comme ça, quand tu sais pas ce qui t'attend, ouais, tu vois. Ouais. Moi j'aime bien le décalage qu'il y a entre le côté dark de Wolfenstein et le début complètement. Carrément. What the fuck, Dead Island, je sais pas si vous vous rappelez de ce trailer de fou où ça revenait avec, en arrière. Ah oui, du 1. Tu vois ils sont sur la plage et ça revient et en fait à la fin tu vois des zombies qui bouffent tout le monde. Donc du coup moi j'aime bien ce genre de trailer où avec une musique complètement décalée. Oui. C'était d'ailleurs Ubisoft ou même Microsoft qui avait commencé avec Gears of War où des musiques complètement décalé par rapport à ce que tu voyais à l'écran. Mais carrément. Toi, tout le monde nous dit le trailer est génial, mais grave, le trailer est juste ouf. Et en fait, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui zappe sur une télé, des trucs un peu de propagande. J'aime beaucoup Wolfenstein, le 1. Bien. Patate de bourrin. Patate de forain. Non, mais carrément. Allez, dans 10 secondes, on s'écoute le ce que. Tiens, bon, on va l'envoyer maintenant. Et après, on va revenir avec du Doom VR et du Fallout VR. Alors j'ai un peu peur quand même. Apparemment c'est quand même axé sur du HTC Vive, donc il tournera pas avec un ordi qui existe dans la vraie vie. c'est ça. Je ne pense pas. Comme vous voulez, on s'écoute un truc New Wave maintenant ou du hip hop qui tâche. Du hip hop qui tâche. Tiens. Allons, on est parti. Répéter. Alors attendez, le temps que ça charge sur l'ordinateur, hein, parce que lui justement, c'est un ordinateur que tu peux trouver partout. Le HTC Vive, il connaîtra jamais. Ah bah là, tu branches le HTC Vive, franchement. Tout explose. Ah bah là, c'est même pas la peine. T'as tout haut de radio qui pète. Allez, les 19h30, on vient dans un instant, on finit de parler un petit peu de l'E3 avec toutes les conférences. Il y a eu quand même du bon dos, il y a du très très bon jeu. Moi, il y en a quelques-uns, enfin voilà, c'est Day One, c'est sûr. Bref, allez, on revient, vous écoutez toujours La Voix du Geek, il est 19h30. Vous écoutez Eau de Radio, sur 91.3. 91.3. Big pimpin', baby. That's right. Big pimpin', spinning cheese. You know I thug them, hug them, love them, leave them, but I don't trust or need them. Take them out the hood, keep them looking good, with diamond cuffs gonna freeze them. First time they fuss, I'm breezing, talk about what's the reasons. I'm a pimpin' every sense in the word, why my better trust and believe them. In the cut where I keep them, till I need the word, till I need to beat it up, then it's beep beep, then I'm picking them up, then I play with it quick in the truck. Many chicks wanna put jigger piston cuffs, divorce them and split his bucks. Just because you got good sex, I'ma break bread so you could be living it up. I toss with nothing. Y'all be frontin'. Me give my heart to a woman. Not for nothing. Never happen. I be forever macking. Hard codes and assassins. I got no passion. I got no patience. And I hate waiting. Mommy, get your ass in here. Let's ride. Ah, ah, ah, ah, ah. Check them out now. Ride. Big Southern rap here from Sario. Coming straight up out the black barrio. Make some meal up off of sorry. What? Now sit back and beat my scenario. Oops, my bad, that's my scenario. No, I can't fucking scare it. What? Now every time, every place, everywhere we go. Four, stop pointing and say, there he go. Now he know we carry more in a little bit. We don't pull it out. And if you catch a lick when I spit, then it won't be a little hit. Go read a book, you illiterate son of a bitch. Step up your vocab. Don't be surprised. With me and you see it's coming down on your slab. Living get so fabulous, so mad you just can't take it. But you hate now, then you wait while I get your hip butt naked. Just break it. You gotta pay like you way wet with two pairs of clothes on. Now get your ass to the back as a blast to the track. Timberland, let me spit my pros on. Post it up in the pro zone. That's the track that be breaking these zones. Ain't the track that be flows on. Get hot, start popping like ozone. We keep on front like we really don't get no bigger, man. Don't trip, let's sip, getting told on the flip and blow. Big pimpin', bigger man, we be big pimpin', spinning cheese. We be big pimpin' on BLADs. We be big pimpin' down in PAT. It's just that jigger man, MC and BUNB. Cause we big pimpin', spinning cheese. And we be big pimpin' on BLADs. Cause we be big pimpin' in PAT. It's just that jigger man. Vous écoutez Eau de Radio, écoutez Eau de Radio sur 91.3. La voix, voix du geek, l'émission 100% jeux vidéo sur Eau de Radio. Allons, on est de retour toujours en direct hein, dans La Voix du Geek sur Eau de Radio 411.3 en Aquitaine et sur eauderadio.net pour le reste de la Gaule. On est toujours en live sur Twitch, twitch.tv/lavoixdugeek, la voix avec un E. Il y a des caméras dans les studios. Et pendant le Scud, ça parlait beaucoup justement, on va parler de l'E3 dans un instant, ça parlait beaucoup du VR et beaucoup trouvent ça gadget sur le chat. Et ben moi je ne suis pas du tout d'accord avec vous, je trouve que c'est un truc de dingue. Pour moi, le Amiibo, c'est un gadget, parce que ça sert absolument à rien. Là, clairement. Le clairement. PlayStation VR ou l'HTC Vive, c'est des bijoux de technologie. Moi j'ai fait Resident Evil 7 en entier, entièrement en VR, et je peux vous dire que ce n'est pas du tout un gadget. La semaine dernière, on parlait, une seconde, la semaine dernière, je rétablis une vérité, tu vois. La semaine dernière, on parlait des accessoires à la con. Des accessoires à la con. La raquette de ping-pong que tu mets sur la Wiimote, ça c'est un gadget. Le VR, ce n'est pas du tout un gadget, c'est un bijou de technologie, c'est un truc de ouf. Voilà. Après, le seul point négatif pour l'instant du VR, c'est le manque de jeux. Oui, non, clairement. De jeux complets. Mais après, il y en a quand même pas mal à faire, mais t'as pas de jeux. Franchement, si tu cherches un peu. Je pense que grâce à Resident Evil 7, par exemple, et quelques titres que tu peux trouver que tu nous dis souvent, ouais. Infernal comme le Batman. Oui, carrément. Ça dépasse le niveau du gadget en fait, grâce à ces jeux. Je veux pas dire une connerie, mais le Batman, ça reste une expérience qui est assez courte du coup. Ah oui. Bah deux bonnes heures. C'est ouais. Mais Resident c'est pas Evil un jeu. Resident Evil 7, j'ai mis une vingtaine d'heures. Hein. Voilà, il faut quand même ouais, se mais farcir. Parce que là, c'est VR. Vraiment un vrai jeu complet qui est adapté et au VR et sans. Ouais. Et c'est ce qui manque encore pour l'instant. C'est pour ça que Fallout et Skyrim, Doom en VR, là, c'est des jeux complets que tu pourrais faire entièrement en VR. Et là au moins, il y a un bel attrait à l'objet. Ok, il est cher, mais au moins là t'as vraiment un... Et encore le PSVR, c'est un entrée de gamme, il a 400 euros. L'HTC Vive, il coûte 900 euros. Non mais là plus, je suis d'accord. Il faut un ordi à au moins 3000 si tu veux jouer dans de bonnes conditions. Ben oui. Enfin c'est un truc mais de ça, ouf ça reste un budget quand même. Après il y a Cascouille qui me dit, tu dis que c'est pas un gadget parce que t'es pas malade. Et ben justement si, et ça dépend des jeux en fait. Le fait que tu sois malade, c'est le jeu qui est développé comme ça. Resident Evil 7, je n'ai eu aucun problème en 20 heures de jeu. Et alors qu'il y a des jeux comme The Assembly, j'ai dégueulé en live au bout de 2 minutes. Bah grave. Non mais c'est vrai, en plus j'ai cliché. Ouais, c'est bon, ouais, ça. Ça dépend s'il est, il a été testé par les développeurs et s'ils voilà, on sait pas trop. Après ça, ça dépend vachement du jeu. Robinson ouais. par exemple qui a un total monde ouvert, ça va. Et puis bah il y a 2-3 séquences où waouh, t'es rattrapé par le motion sickness voilà. quoi. Alors que Resident Evil 7 à aucun moment t'as ce problème. T'as d'autres problèmes de pipi culotte, mais c'est pas lié au, c'est lié, c'est un autre délire, quoi. Va le porter 3 heures ton casque, là, avec cette chaleur. Alors ça, je dis pas, quoi, évidemment, mais, oui, mais si tu cherches ta petite bête aussi, Léa, on va pas s'en sortir. Non, mais va jouer mais... 3 heures avec ta manette, tu vas voir, ça colle aussi, hein. Oui, c'est vrai. Sachant que, en plus, Resident Evil 7, j'ai fait des sessions, genre, la plus longue, j'ai dû jouer 5 ou 6 heures, hein. Mm. En stream et tout, hein. Sans m'arrêter. Bon bref, on était en train de parler de Bethesda. Voilà. Donc on parlait de Doom, Doom et de Fallout VR. Alors sincèrement, Doom, moi le dernier épisode en date, je l'ai pas trouvé oufissime. Je sais pas, j'ai pas accroché du tout. Donc Doom en VR, je sais pas. Moi je franchement, surtout si c'est encore le et Fallout. Ah, Fallout, je dis pas parce que Fallout c'est un monde ouvert où tu peux peut-être rien que le l'univers en fait t'as envie de le visiter ouais, quoi. Voilà, c'est ça. Si c'est propre, franchement, tu sais, c'est une espèce de ville, ça peut être ouf quoi. Ça peut être pas mal. Alors que Doom, si t'es sur le même bonhomme en, sur des rollers comme dans le dernier, tu vois. Après, ça peut faire le job. Si c'est propre, ça peut le faire. Alors par contre, voilà, ils sont pour l'instant que du HTC Vive. Ils ont pas précisé autre chose. Ouais, malheureusement. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé avec Skyrim? Moi, j'ai une image ah de ouais. Link. Alors ça. Alors qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je pense que ça c'est du marketing parce que oui rappelez-vous du fail de Nintendo qui avait mis un Skyrim lors de la présentation de la Switch, on voyait ah oui, une image d'accord. de Skyrim et tout et après il y avait eu une petite bataille de Twitter en disant Bethesda qu'ils étaient pas au courant. Ah oui, il est sur Switch et tout, on n'était pas au courant et tout. Et après ils se sont rattrapés en disant mais si, bien sûr, on le savait et tout. On avait un accord avec Nintendo. Et voilà, ça a fait un peu polémique parce que ce jeu est sorti quand même depuis 2-3 ans maintenant. Skyrim? Ouais. On est peut-être sur du 5-6 ans, 6-7 ah ouais, ans peut-être. Que le temps passe vite, que le temps passe vite. Ouais, donc du coup, tout le monde était là, oui, c'est quoi ce jeu qui est sorti il y a 4-5 ans, qui ressort. Donc là, ils ont mis des nouvelles fonctionnalités pour le sortir sur Switch. Donc on aura voilà le beau skin de Link que vous pouvez voir un peu partout si vous tapez Skyrim Link. Et ce qui me paraît un peu plus intéressant, c'est on peut jouer au Joy-Con et avec la reconnaissance de mouvement. Aïe aïe aïe. Ça peut être. Ouais, c'est j'ai trop peur. Voilà, il y en a qui ont peur de ça, mais voilà, ça peut être pour ceux qui aiment bien la reconnaissance de mouvement. Ça a tout de la mauvaise, enfin de la fausse bonne moi, idée. Moi, j'avais quoi. Réussi à faire le Zelda Twilight Princess, voilà. Comme avec, ça. Oui, avec la Wiimote. T'avais pas mal au bras. Ah, ouais, si, à la fin, putain, mais grave. Sur mon canapé, j'avais des crampes et tout. Depuis, putain. Il se tire sur la nouille, quoi. Et voilà, après, c'est juste, voilà, je pense du marketing pour dire, ah, vous voyez, on vous l'avait dit qu'il y avait Skyrim sur Switch. 2011, tout, Skyrim. Voilà, les amiibo marcheront sur ce Skyrim, voilà, pour essayer que, voilà, amiibo soit pas trop gadget. Hein. S'il y a des amiibo dans Skyrim, si alors. Amiibo dans Skyrim, c'est génial. Je dis pas. Enfin voilà, il y a rien d'autre. Après, ça restera du Skyrim avec les DLC qui seront livrés avec. Ah! Bon. Un petit truc intéressant qui est sorti nulle part. Alors, c'est pas vraiment un DLC, c'est un standalone. C'est une nouvelle aventure pour Dishonored 2. Oui. Death of the Outsider. Ouais. Donc ça peut être très sympa, c'est prévu sur PC, PS4 et One pour le 15 septembre. Et on n'est pas obligé d'avoir le jeu d'origine pour pouvoir le faire. Donc franchement, s'il est pas trop cher, je pense que je me le prendrai aussi. J'ai l'impression que les standalone on va en bouffer, je sais pas pourquoi. Ah mais là, j'ai l'impression vois, c'est des vagues, tu sais qui arrivent. Ben tu sais comme pour les consoles en ce moment, ils essaient de faire des demi-vagues. C'est-à-dire que t'as le premier modèle, puis t'en sortes un deuxième, puis un troisième, et à chaque fois ça évolue un petit peu graphiquement, mais c'est plus la première génération, puis la seconde génération bien ouais. plus tard quoi. Mais les jeux, ça, j'ai l'impression, c'est pareil, ils te sortent un premier jeu, et puis derrière, bon, ou en DLC ou en standalone, s'ils peuvent faire des épisodes en plus, ouais. ça leur coûte moins cher, je pense, et puis c'est plus court, c'est plus vite. Terminé du coup et puis au moins il passe à autre chose quoi. Ouais. Alors apparemment on incarne Megan Foster qu'on a pu croiser dans Dishonored 2 et il sera histoire de vengeance. Wow. Donc ça peut être très sympathique. Écoute, s'il est dans la lignée de Dishonored 1 et 2, moi ça me parle, j'aime beaucoup. Ensuite on a pu voir The Elder Scrolls Legends, un jeu de cartes. Ouais bon alors ça c'est le genre de truc typiquement, moi je suis pas du tout client. Bah moi un peu mais alors j'ai ça me paraît un peu flou dans les mécaniques et tout, dans les voilà, c'était pas très clair. J'ai trouvé que voilà, à expliquer comme ça, bon, bah, j'ai dit ok, un jeu de cartes, faudra voir ça un peu plus longuement après quand ça sera sorti. Ouais, ouais. Voilà, c'était pas bon. Après, ça m'a pas hypé non plus de fou. Hein. Alors, j'ai un message de Wayne en live. Attendez, je vais vous le lire. J'espère arriver pas trop tard pour au moins parler de mon ressenti de l'E3. Il dit, ben oui. Mais le truc, c'est on a un gros problème dans cette ville avec les bouchons. Hein. Franchement, ça tiendrait qu'à moi, tout le monde en scooter. Wow. Comme la Zoubida. Bon, après, on n'a pas vu. Après, c'est toujours des petits trucs qui sont là juste un peu. Ouais, ils ont parlé de l'éditeur de mode. Que Quake Champions. Alors, Quake Champions, c'est clairement pour l'e-sport. Hein. Ils ont essayé. Voilà, il y aura du cash prize et tout. C'est un peu. On essaye de faire un petit peu comme. Overwatch, enfin bon, FPS, hein, ça reste Quake pour les gens qui connaissent Quake, c'est vraiment du FPS pur et dur, hein, dans des arènes et tout, et ça peut être sympa après. Et il parle déjà de cash prize, de championnat et tout. Ah ouais. Donc voilà, là on est sur du e-sport, à voir hein, si c'est bien fait. Ça peut le faire, mais c'est vrai que après il y avait pas grand chose dans cette conférence Bethesda, j'ai trouvé à se mettre sous la dent. Quoi. Ah bah enfin. Ah moi quand même le Wolfenstein me parle pas mal. Le trailer était super, mais après. Ouais, moi je l'ai carrément zappé. Je vois un Kogu à la fenêtre. Je crois qu'il va falloir lui ouvrir. Oui. Donc. Allez-y, je suis en plein travaux. Moi j'installe la ventilation. Je suis liquide. Je suis en train de me liquéfier dans le studio là. On va ouvrir. À Kogu. Non, laissez-le dehors. Si hein. Bah dehors. Au pire que. Quelqu'un y va. Bon, j'y vais, je reviens. On parle de la conférence Nintendo d'abord et après il pourra venir parce que sinon il va critiquer, il va faire oui, c'est pas possible. Non, on va faire la conférence quand même où c'était la seule conférence qui a proposé du hardware. Hein, c'est la conférence, enfin, une nouvelle console. C'est la conférence Microsoft. Oui, mais bon. Ouais, moi personnellement, je suis. Enfin. Cette Xbox là, je l'ai zappée pour l'instant. J'attends qu'ils me proposent des meilleurs jeux. Enfin, au moins des exclusivités. Pour l'instant, je suis un peu en manque d'exclus sur cette console, quoi. Mais il y a eu quand même quelques jeux de présenter qui me tardent d'en parler parce que. Bon, c'était deux pour le prix d'un. Est-ce qu'on attend Wen pour. Ils sont là, ils viennent d'arriver les deux. Ah, voilà. Oui. Oh putain. Le pack. Yes. Le package. Alors, je vais les laisser se présenter. Moi, je vais installer la clim. Oh, alors, quel micro, le jaune, le vert. Nous avons Wen avec un superbe t-shirt Gotham's Guardian. Et nous avons le Kogu avec casquette, bien sûr, sur la tête et lunettes de soleil. Et énervé, comme d'habitude, par les bouchons. Point du tout, c'est ce que je disais à Monsieur Wayne. Petite journée aujourd'hui pour moi. Oh, j'ai terminé à 4h30 et je suis depuis 16h30 sur la route. Ah, oh, juste avant, on était en train de dire il y a un gros problème sur Bordeaux, quoi. Non, ils ont pas changé. Attends, ils ont lavé les bonnettes ou non, non. Je pense que c'est des neuves. Ah, ils ont mis des nouvelles couleurs. Carrément. Gazou, lui a carrément un micro sur pied. Ouais. C'est parce qu'il a envie de s'asseoir dessus de temps en temps. C'est pour ça. Alors bah du coup on a bien avancé, on a fait Electronic Arts. Au pire après on fera un tour de table pour vous voir, tu sais, au niveau des conférences, il y a des trucs qui vous ont marqué. Et bah du coup moi ce que je vous propose, alors je sais pas. Microsoft vu que y avait Wen. Ok, alors Microsoft, ça allait où? Bethesda, donc passons. Tac, alors, et on va finir par Sony. Bon, bah, Microsoft, ils ont fait du classique. Bonjour à tous, déjà. Je dis même pas bonjour. Bonjour à tous. Écoutez, et bienvenue. Alors, Microsoft, rien de vraiment extraordinaire. Xbox One X, après, c'était un peu leur truc de. Voilà, c'était la grosse cartouche. Scorpio, qui est devenue alors la fameuse Xbox One X. Si je commence comme ça, ça va bien se passer. La Xbox One X. Handset, ils l'ont appelé, et Handset ou je ne sais plus comment. Oui, ils ont bien. Donc, il sortira le 7 novembre à 499€, donc soit 100€ plus cher que la PS4 Pro aujourd'hui sur le marché. Et à 599€ dans les Micromania. Non, je rigole. je rigole. Bravo, t'as gâché. Donc, du coup, une bonne nouvelle en soi pour une nouvelle console avec des futurs bons jeux apparemment. Mais bon. Alors, juste une question, Wayne. Toi qui as la PS4 Pro, est-ce que la Scorpio, enfin la nouvelle Xbox, te botterait aussi? Ah, mais moi sur le papier, clairement, oui. Ouais. Alors après, là c'est clairement un concours de bites, je pense. Parce que si t'as pas la télé à 4000 balles qui fait le taf derrière, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Ils annoncent quand même une image beaucoup plus belle sur un 1080p que la Xbox One S aujourd'hui. Okay. Parce qu'à savoir que la Xbox One S aujourd'hui, elle fait le 4K, le Blu-ray 4K, tout ça, donc elle tient vraiment la route face à la Pro. Moi, ça me permettra de changer parce que j'ai la Xbox One, la première du nom, et HTD One en plus, donc c'est vraiment la première génération. Et ouais. Donc oui, forcément, moi je serai dessus pour la prendre. Et comme ça, je pourrais faire la différence avec la Pro de chez Sony. En termes de jeu, moi, il y a un jeu qui me fait très très plaisir qui sort et qui avait été annoncé il y a 2-3 ans, c'est Cuphead. Un petit jeu indé qui C'est la suite de Two Girl One Cup. Voilà, c'est celui-ci avec encore plus de caca. J'ai peur du gameplay. Non. Cuphead, alors, je sais que ça va plaire à certains ici parce que on est tous à peu près dans la même vibe en niveau de jeu. C'est un petit jeu indé qui avait été repoussé 2-3 fois, qui sortira cette fois-ci le 29 septembre et univers complètement à la Disney. Mais la Disney old school, le les Disney, premiers, ouais. premiers Mickey. Steamboat Willie. Ouais. Ah, mais ouais, ça fait mille ans qu'on en entend parler de ce jeu. Mais ça a été repoussé. Et ils ont sorti le trailer, ils ont sorti les vidéos de gameplay. Et honnêtement, moi, ça me botte, mais alors. Ah, mais carrément. Parce que c'est, l'univers est vraiment excellent. Ben voilà, j'ai perdu ma page avec toutes ces conneries. Une suite pour Ori and the Blind Forest. Alors attends, deux secondes. Par rapport à Cuphead, moi j'ai cru entendre, mais je suis pas sûr. C'est une exclue temporaire pour Xbox, c'est ça? Pour l'instant, il sortira sur One et PC uniquement. Ouais, mais pour le moment. Ouais. Alors après, au niveau du catalogue, ils ont quand même annoncé avec la sortie de la console 22 exclusivités quand même. 22. Ah ouais. 22. Oui. Après, bon. En même temps, ils ont intérêt quoi. Après, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été annulés là, Scalebound, enfin plein qui étaient prévus donc. Après, ils ont fait le classique Forza 7 avec un trailer pareil magnifique et des vidéos de gameplay. Très beau. Je pense qu'à mon avis, Sony a intérêt à faire du lourd avec son futur Gran Turismo. C'est vrai. Parce que là, honnêtement, c'est magnifique. Après, Forza, c'est un peu le comment on dit ça, la vitrine technologique de la Xbox. Ah ouais, tu sens qu'ils donnent tout dans le truc. Ah là, c'est, enfin, moi les vidéos, je les ai vues. Alors sur un téléphone, forcément, même si tu peux le mettre en Full HD, voilà. Mais c'est hallucinant. Quoi. Ouais. Non, après, voilà, franchement, c'est vrai. Voilà, je suis un peu déçu de la conférence Xbox parce que encore une fois, bon, ils nous annoncent une nouvelle console. Certes, c'est pas une console, voilà, c'est une concurrente de la Pro qui sera plus puissante, mais voilà, c'est pas non plus en termes de design et tout ça. Il y a pas un truc qui casse la baraque. Ouais, alors de toute façon, à chaque fois c'est pareil. Dès qu'ils annoncent des nouvelles consoles, tu sais, pendant plusieurs mois, tu vois toujours des trucs, des designs un peu sur le net, et au final, tu te retrouves toujours avec un magnétoscope. Elle se fait beaucoup bâcher sur internet en disant que tout le monde dit que c'est un magnétoscope. Mais c'est trop ça, quoi. Un magnétoscope. C'est vrai, c'est ça, pas ça. Franchement, moi, on dirait une box. Quand c'est pur, hein, ouais, quand c'est elle a mérite d'être sobre. Elle est sobre. Oui, mais c'est sobre. On dirait pas qu'elle a deux étages posés l'un sur l'autre. Ouais, elle est très sobre. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Elle a un peu de folie, quoi. Tu vois, c'est, je sais pas. Elle est plus fine que la S. Par contre, 3,8 kg sur la balance. Ah ouais. Donc ça commence à faire. En donc sachant que la PS4 pour une Pro, console portable, c'est beaucoup. La PS4 c'est le gars qui a rien Pro, compris. J'étais surpris quand je l'ai eu. Comparé à une PS4 classique, la PS4 Pro est à 3,2 kg. Oui, donc bon, après 600 grammes. Après, c'est une console qui est posée. C'est bon. Voilà, tu te balades pas à la main, c'est pas une 3DS quoi. Ouais. Et surtout, moi, la grosse claque chez Microsoft, c'est Anthem. Ouais, oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. Alors, Electronic Arts, du coup, on est tous d'accord pour. Quand t'as demandé l'autre soir dans la conversation qui c'est qui avait regardé le 3, c'est le seul parti que j'ai pu voir en live parce que c'était le soir, c'était 23h, 23h30. Quand ils ont balancé cette vidéo, mon cerveau il a fait déconnexion et il a profité du truc quoi. C'est un mélange d'Iron Man, de Horizon, Zero Horizon Dawn. Ouais, Xenoblade aussi, le monde qui, tu sais, de la géographie, enfin, la topographie du monde est complètement folle. De Mass Effect, enfin, voilà. C'est oufissime. Moi, justement, oufissime. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, bordel de Dieu, quoi. Ça aurait dû être le Mass Effect, quoi. Oui, parce mais que Mass Effect et Andromeda, bof, quoi. Il y a un mais. Franchement, alors, y a moi, un mais. Je peux pas dire, j'ai pas bien fait, sûr. Mais là, la vidéo. En thème, il a l'air super, mais il y a un mais. Microsoft, qu'est-ce qu'ils ont branlé? C'est un jeu qui sort de nulle part, personne l'attendait. Pourquoi ils ont pas sorti le chéquier? Ils en ont pas fait une exclusivité? C'est une exclusivité. Mais non, c'est pas une exclusivité. Mais non, il sort en même temps sur PC, PS4 et One. Ouais. Ah, en même temps? Oui. Parce qu'à la conférence, ils ont annoncé c'est trop exclusivité temporaire. Je suis d'accord avec Momo. Non, mais ça a été confirmé. Ils sortent le chéquier. Mais tu vois, c'est trop bien. Le chéquier était pas assez gros. Ça aurait été une killer app pour la Xbox Scorpio, là. Carrément. Quand le personnage rentre dans l'eau. Quand j'ai vu exclusivité temporaire, je me suis dit, bah, tant pis, je vais attendre. Quand il vole, alors moi, je suis un gros fanat d'Iron Man. Alors quand j'ai vu voler comme ça, grave. Pour ça, j'ai envie de l'acheter. Et quand là, il rentre dans l'eau, quand il passe ce passage là et qu'il tombe dans l'eau pour éviter les missiles, voilà, et que tu vois qu'à l'intérieur de l'eau, t'as encore un monde, t'as encore de la profondeur, c'est l'effet lumineux, c'est sombre avec en même temps des, comme s'il y avait des petits poissons bleus. Ouais, en plus il y a une espèce de grain dessus. À un moment, il est dans une ville, une espèce de ville qui ressemble un peu à une ville de Star Wars, hein, où t'as plein de personnages. Ouais, au début, et t'as un espèce de filtre, je sais pas si le grain du cinéma, si le grain du jeu est comme ça, ça peut être sympa. J'ai vraiment pris une claque et j'ai fait. J'avoue. Donc tu vois, on nous dit sur le chat, c'est casse-cou, il fait sur le net, il est indiqué sur les trois plateformes. Tu vois, c'est dommage. Enfin, c'est dommage pour les possesseurs de Xbox. Dommage et puis bien pour nous. Oui, non, mais carrément. Ah oui, j'avais voilà. Content, on viendra après. Vous avez pas parlé de Sony parce que j'étais dans la voiture, je crois que vous en avez pas parlé. Non, on va attendre la fin. Il y a Moumoute qui nous demande si ça sort sur la Switch en thème. Par contre, il faudrait une Switch avec. J'ai vu qu'ils avaient sorti les batteries pour les Joy-Con là, ou je sais pas comment ils appellent ça. Là, il va falloir qu'ils sortent un ventilateur pour la Switch. Ils mettent en thème dessus. Parce que je pense qu'à tout moment, elle explose. Trois ventilateurs. Je pense que oui. Il te faut trois Switch en plus pour le faire tourner. Non, après, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'ils ont choisi Xbox pour présenter le futur Dragon Ball Z. Ouais. Ah oui, qui ça va être... Ah, mais ça va être une tuerie. Arc System, la licence Dragon Ball, et voilà, ils te font un jeu de fou. Ah, mais on Arc System, c'est ceux qui ont fait Guilty Gear. Guilty Gear, et tous les BlazBlue aussi. Donc, et là, mais quand ils ont montré ça, je me suis dit, bon, encore un DBZ, putain, la vidéo est partie. C'est le Dragon Ball qu'on attendait. Enfin, je sais pas ce qu'on pense au goût. Si, on est tous d'accord dessus. Surtout que toi, t'es fan ultime. En plus. Et puis alors, moi, chose qui m'a choqué quelque part, c'est que donc en effet, on voit le prochain DBZ tourner pour la Xbox One et Xbox One X et également, ils ont un petit peu coupé l'herbe sous le pied d'Ubisoft parce que ça a été les premiers également à diffuser Assassin's Creed Origins en 4K sur la nouvelle plateforme. Ouais, c'est d'ailleurs, c'était après, noté sur toutes les vidéos. Attention, in-game footage c'est 4K. Et du coup, ils ont coupé un peu l'exclusivité à Ubisoft qui allait pouvoir présenter un projet quand même où ils ont accepté pendant un an de ne rien sortir pour se consacrer sur d'autres licences et sortir le jeu. Et en définitive, c'est Xbox qui présente le premier les images. C'est ça. Ils ont dû sortir les chiffres, mais peut-être pas. Moi, personnellement, Assassin's Creed, j'ai pas d'affect particulier pour cette licence. Je sais que toi, derrière, là, voilà, c'est. Je pense qu'ils ont bien écouté les joueurs pour une fois. Ouais. Et on ça a l'air très, enfin très beau. L'univers en Égypte, franchement, en Égypte, ça a l'air kiffant. Et juste pour terminer, après, je vous laisserai parler. Pour finir sur la conférence Xbox, le gros putain de point fort, et là où ils gagnent des points sur Sony. Rétrocompatibilité Xbox première génération. Après avoir fait la 360, je suis désolé, il faut le préciser. Fait la 360, ils font les jeux Xbox. Donc ça veut dire très bien. Quand même. Ça veut dire pour les auditeurs qu'en gros les jeux Xbox sur CD, tu les mets dans la console, ils marchent. Alors ça marchera, j'imagine, comme c'est fait avec la 360, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de jeux par mois qui sortent en rétrocompatibilité. Tu peux soit les télécharger, soit utiliser tes supports à toi, ton support physique. Ouais. Et là, ils annoncent. Alors, ils n'ont pas donné de date. Ils prévoient de le faire avant la fin de l'année, la rétrocompatibilité sur la Xbox première génération. Et en même temps qu'ils ont annoncé ça, moi j'ai vu, alors tu vas connaître parce que t'es à fond sur le rétro gaming et tout, j'ai vu Voodoo Vince Remastered. J'étais comme un dingue. Je suis fan de ce jeu, quoi. Vu que il était sorti que sur Xbox à l'époque, je pense que je l'achèterai sur PC. Mais il y a pas que ça non plus dans. Bah oui, non, mais grave. Sur la conférence Xbox, parce qu'ils ont aussi annoncé Metro Exodus. Je sais que Kogu, toi, t'aimes pas trop cette licence. Non, pour moi, c'est trop sombre. Oui, moi aussi. J'en ai pas parlé parce que moi, j'ai pas fait le premier. Et donc, le 2, j'ai pas vu un attrait. C'est exceptionnel. Moi, je suis fan absolu. Quand j'ai vu le truc, on l'attendait plus. J'ai vu le machin. Ah, je te jure, j'avais la trique. Ah non, mais à fond, quoi. T'as eu la trique plusieurs fois, dis-moi. Ah ouais, à mort. Et ils ont aussi annoncé Life is Strange 2. Je suis sans dans le cerveau. Mogumo t'en a parlé tout à l'heure, j'ai entendu. Before the Storm. Mais apparemment, ça serait un prologue pour cet été. Ça serait avant ce qui se passe dans le 1. Ouais. Donc Metro, on rentrera peut-être plus dans les détails tout à l'heure, mais voilà. Après, donc ils ont montré ça. Il y a un jeu qui est hallucinant, qui a un nom absolument improbable à prononcer. C'est PlayerUnknown's Battleground. Oui. Et ça, c'est à la mode de ouf en ce moment là. C'est apparemment il arrive sur c'est Xbox. C'est pas celui qui a un petit style graphique à la Overwatch un petit peu. Et non, mais non, c'est un gros. Apparemment, c'est un gros truc. Y a des zombies étaient dans le. Ah oui, non. C'est un peu comme c'est le jeu. Comme DayZ. Non, non, c'est. C'est ouais, comme ouais, DayZ. Un truc de zombies où tu peux te créer ta maison, jardiner un petit peu et tout. Oui, ouais. D'accord, ok, je vois. Bon. À voir. Ouais, carrément. Ensuite, on passe au PC. Comme ça, on fait Ubisoft et Sony pour terminer. Je finis juste sur Microsoft. Vas-y, vas-y. Moi, j'attendais quelque chose de Microsoft pour concurrencer encore une fois Sony. C'était qu'ils parlent de leur futur casque en réalité augmentée. Oui, ouais. Pas de alors. Et bien, justement, et en plus, je sais pas si t'as vu ce qu'ils ont précisé récemment. Je crois que je l'ai là. Mais apparemment, bah, la Xbox, je vais pas m'y faire. La nouvelle One X. One X, elle est pas du tout faite pour la VR. Ça marche pas dessus. Voilà, okay. Ils viennent de l'annoncer, je l'ai vu passer. Comme ça, pourtant en termes de puissance, voilà. Ouais, mais apparemment ouais, ça le fait pas. Ah bah, sous le capot, hein. Si la PS4 Pro le fait tourner, enfin tu si peux la faire PS4 la conférence Nintendo tourner, de quoi la conférence Nintendo. Ah oui, si carrément. Faire, parce que Kogu Kogu Tagazu de nous quitter. Mais la conférence Nintendo elle s'est passée quand aujourd'hui? Là aujourd'hui. Ils ont dit quoi, qu'ils vendaient l'entreprise parce qu'ils avaient rien à présenter? Je ne parle pas au monsieur qui met du caca sur internet sur les Nintendo 64. Oh putain. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo de monsieur Wen. Nintendo et Miyamoto, ils commencent à copiner également un peu en l'occurrence. Elle n'a pas regardé ma vidéo. Encore eu le temps de elle est humiliante pour Nintendo. On va en parler juste après le scud. De toute façon, il est bientôt 20h. Allez, vas-y, Taga. Alors, Nintendo, alors, qu'est-ce qu'on a vu? Du Nintendo, Pokémon. Du Pokémon. Alors, c'est vrai que. Du Splatoon. Du Splatoon. Du Mario Kart. Du Mario Kart. Dans du Pokémon du Smash Bros. RPG. Alors, c'est vraiment voilà les Pokémon ils sont en développement. C'est ce que j'adore chez Nintendo, c'est qu'il y a pas beaucoup d'images et on est en développement. Donc voilà, c'est vraiment une conférence light. C'est un stagiaire qui a juste vite fait un petit Photoshop en speed, tu vois, avec le lettrage le truc. Donc ils ont annoncé donc ce Pokémon RPG, mais surtout pour faire plaisir à Cascouille, parce que je crois qu'il est sur le chat, ouais. C'est quand même Metroid Prime 4. Oui. Voilà. Alors il y a rien comme image, hein. Il y a juste mais voilà, il y a plein qu'on criait. Ah oui, je les vois dans la maison, ils ont dû s'évanouir. Je pense à Strider, à Cascouille, enfin tous les fans de Metroid. C'est surtout enfin qu'ils me un vrai pas. Metroid. Je lui avais dit qu'ils allaient présenter un Metroid, je lui avais envoyé. Pas présenter, c'est un grand mot, hein. Enfin, oui, c'est une idée. Mais au final, voilà, ils l'ont fait. On a vu le logo. Nintendo, c'est les seuls où les images elles leak une fois que les jeux sont sortis. Ouais. C'est ça. Après, bon, bah, il y a eu quand même Xenoblade Chronicle 2 qui va arriver en fin d'année. Donc ça, moi qui est assez fan de la licence, voilà, je c'est suis un content. Gros morceau. Après, il y a le Kirby, un nouveau Kirby. Alors nouveau je sais, Kirby, pour ouais. certains, c'est lourd. Après, Yoshi Woolly World qui a l'air un peu comme Paper Mario, où tu peux dans le monde Paper Mario où tu joues Yoshi en laine. Voilà, ils recyclent un peu les fonds. Ah non, ouais, non, ils reprennent les mêmes recettes. Jeux, voilà, ils font avec ce qui marche, hein, et puis c'est tout. Ah ouais, oui. Et voilà, ils ont représenté Fire Emblem Warrior, mais on l'avait déjà vu, un Fire Emblem à la Dynasty Warrior. Et le Rayman avec le Mario avec les lapins crétins, alors ils ont montré les un Mario peu plus. Un peu plus. Non, finalement, je crois que c'est dans Ubisoft qu'on en ouais, voyait un peu on plus. On va en parler après 20h. Voilà, Miyamoto qui était venu avec Ubisoft. Moi, ce jeu, voilà, j'aurais peut-être pas le temps de dire mon avis, mais il me hype un petit peu parce que le gameplay est intéressant. Voilà, ouais, a l'air comme XCOM, donc voilà, RPG tactique, donc ça peut être sympa. C'est mieux qu'un énième jeu de plateforme parce que c'est vrai que Nintendo en sort beaucoup et voilà. Alors, je voyais mal Ubisoft faire un jeu de plateforme qui pouvait concurrencer Nintendo. Et c'est pas Nintendo qui s'est occupé du développement sur celui-ci. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est fort. C'était fort, Yves Guillemot à la conférence d'Ubisoft avec son accent français. Oh là là. C'était un moment culte. Même Michel Ancel. Hein. Michel Ancel. Je l'ai dit à ZZ parce que tu sais, on était dans le lit, je regardais le truc, je lui fais ah bah il y a Michel Ancel. Ah bah écoute bien son accent. Écoute bien son accent. Good morning. Voilà. Non, mais le mec c'est un tueur. Hello everybody. Ah ouais, grave. Voilà, ah, c'était putain. Ça. Ah, bah, on est content d'avoir cet accent français. Je crois que c'est les. C'est typique de la France de parler anglais comme ça, c'est terrible quoi. Et le gros quand même de la fin de conférence, et ben de le garder pour voilà, pour clôturer, c'est quand même Super Mario Odyssey avec enfin du gameplay, avec cette fameuse casquette qui apparemment ne sert pas qu'à faire joli sur la tête de Mario, mais à se transférer dans certains personnages, même des véhicules. Oh oui. J'ai vu des taxis, j'ai vu des ennemis aussi. Il peut avec juste une petite moustache qui est bien rigolote. Bon après, faut aimer hein, l'univers Mario et ouais, tout. Je sûr. Dis pas, mais c'est un Mario qui sera enfin un vrai Super Mario qui se rapproche du Super Mario Galaxy. même du Super Mario 3D 64, voilà, c'est dans cette veine, hein, faut pas attendre un Super Mario 2D. Ouais, mais ça me plaît ça. Mais franchement, ça m'a donné envie. Ça va permettre peut-être de lancer la Switch un peu plus, enfin. Voilà, c'est vraiment ça apporte un jeu avec le jeu attendu, puis il a été confirmé en fin d'année. Donc voilà, ça rassure quand même, parce que les possesseurs de Switch commençaient un peu à flipper. On s'attendait peut-être on n'avait pas eu beaucoup d'images. Hein, profite de l'E3 pour dire en fin d'année, on n'est pas à l'abri d'un report. Oui, voilà. Mais franchement, s'ils font un report à Noël, ça va être dur pour la Switch, vu ce qu'ils annoncent. Pas grand chose. Donc franchement, voilà, ce Super Mario Odyssey m'a rassuré avec tous les ennemis, bien sûr, un système de customisation des habits de Mario, voilà. Et non, moi je suis assez, j'avais fait le Super Mario, voilà, c'est sûr que je cherchais le 3D World. Ah oui, exact, sur Wii U, qui était pas mal, mieux que le Super Mario Bros Wii U, qui était finalement en 2D et qui apportait rien. Donc voilà, assez hypé pour le Super Mario Odyssey, mais c'est vrai que bon, cette conférence, enfin ce Nintendo Direct, attention, ce ne c'est plus des conférences chez Nintendo, on parle directly, était un petit peu voilà short et voilà. Combien de temps a duré la conférence? Parce que j'ai 30 vu minutes, je crois, 30 ah ouais. minutes. Ah oui, j'ai vu sur mon téléphone, okay. Je recevais des notifications. Pareil, quand 30 minutes, bam, vite plié. On fait des jeux en développement, on y pense, on est là pour les grosses licences. Et finalement, on vous donne un gros gameplay sur Super Mario Odyssey, mais voilà, c'était un peu. Là, il y a le, en ce moment même, il y a le Treehouse où il y a le tournoi de Splatoon 2 où on va pouvoir en voir un peu plus sur Splatoon 2, et puis des jeux où on peut y jouer, mais je pense qu'il y aura des démos de Super Mario Odyssey, donc c'est intéressant à voir. Ok. Voilà. Bah merci poulet, écoute. Bah je vous laisse. Allez les 20h. Vous écoutez, passez de 3 minutes maintenant. On s'écoute un petit morceau et puis on revient juste après. On fait les deux gros morceaux là. Ubisoft et Sony. Aïe. Moi franchement, hypé de ouf. Enfin, j'étais comme un dingue moi. Ils ont sorti des trucs de malade. Même si j'ai été un petit peu déçu, surtout par un jeu que toi Wayne t'attendais beaucoup et j'ai pas trouvé que c'était aussi ouf que ça. On va en parler dans un instant. Allez les 20h, passez de ça quelques minutes. Débat, c'est bien ça. Oui, mais carrément. On revient juste après Vedette et Freed. C'est quoi comme vous écoutez Eau de Radio, vous écoutez Eau de Radio sur 91.3. 91.3. de radio. Vous écoutez Eau de radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. La voix, du geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. Allez, on est de retour toujours en direct dans La Voix du Geek sur O2 Radio 411.3 en Aquitaine et sur O2Radio.net pour le reste de la Gaule. On est en train de parler de l'E3, il nous restait les conférences d'Ubisoft et de Sony. On est toujours en live sur Twitch, twitch.tv/lavoixdugeek, la voix avec un E. Et pendant le Scud, il y a Wayne qui est venu en régie et qui m'a amené un cadeau pour mon anniversaire. Alors c'était le week-end dernier, j'ai eu 35 ans. Alors qu'est-ce que c'est? Alors déjà c'est une belle pochette Lego, je vais la montrer à la caméra. Hop, une belle pochette Lego. Alors comme il m'a dit, ça, apparemment c'est pas un truc sexuel hein. Ça dépend, on peut faire plein de choses avec attends, les Lego. Attends, ça fait du bruit. Alors je sais pas si vous, si vous devez entendre un peu. Mon dieu, y'a Kogu qui arrive. Ah, c'est pas possible. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? Attendez, je fouille. Oh yes, attendez, oh putain. Alors, il y a Kogu qui vient de... Ah, merci. Et voilà. Yes. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai... Oh, yes. Alors, c'est un M3-M2. C'est un, une petite pochette avec un petit Lego. À mon avis, c'est un petit cousin de R2-D2. Ouais, c'est ceux qui sont dans Rogue, je crois, dans Star Wars Rogue. Yes. Peut-être. Bon, Rogue ça déchire. Ouais. Merci, poulet. Et puis, j'ai un petit porte-clés. Ça, j'ai pensé à toi pour le nouvel engin surpuissant que tu vas t'offrir. Il fallait bien quelque chose pour pas que tu perdes ta clé. Donc j'ai bien fait de pas pouvoir y aller parce que j'étais parti aussi pour un porte-clé de ouf. Alors le truc, c'est pour les auditeurs, faut raconter quand même la blague. Mais tu sais que j'hésite à mettre une cape pour aller bosser quand je m'en sers. Franchement, je vais le faire. On va l'essayer après l'émission. Bref, pour mon anniversaire, ma chérie m'a offert un Xiao, une mobilette. J'en rêvais depuis que j'avais 15 ans. Et c'est chose faite. Alors, elle me l'a offert, mais je vais lui rembourser quand même un petit peu. Faut quand même pas charrier. Mais je m'éclate comme un dingue avec, à tel point que dimanche, mais j'étais en mode Easy Rider, j'avais même pas envie de rentrer, quoi. Il était 7h, elle fait, non, mais il y a le repas et tout. Moi, j'ai eu un appel de Jackie Concorde et t'es dégoûté. Tout à l'heure. Ah. Putain, hey, en fin d'émission, je la ramène ici. De toute façon, ça pue l'essence. Je vous fais écouter le klaxon en direct. C'est pas grave. Ah, c'est un truc de fou. Et puis voilà, donc c'est un petit porte-clés Boba Fett. Yes, bah merci beaucoup. Et heureusement que j'avais pu venir chez toi, que j'avais vu que t'étais un peu fan des Lego, surtout de Star Wars. Pas du tout. T'imagines, ça m'a un peu aiguillé. Quoi, un porte-clés Playmobil, quoi. L'angoisse, quoi. Yes, attendez, je remets le chat. Hop, il est rangé où? Il est là, tac. Et puis on va parler de la conf d'Ubi. Hop, bon anniversaire, où est le gâteau? Merci à vous, les gars. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, j'aime beaucoup le sac Winnie l'ourson. J'aime beaucoup. Je vais le montrer à la caméra. Il y a un petit sac bon, et désolé, tout. À l'arrache, un pas de paquet, rien du tout. Oh non, mais t'inquiète. Oh yes, putain, c'est bon ça. Eh ben voilà, écoute, moi, je me le suis pris en démat. J'ai tellement ultra kiffé que je l'ai trouvé en version boîte et je te l'ai pris. Bah voilà, merci, c'est Déponia. C'est Déponia. Alors ça, c'est très bon par contre. Ah, putain, merci poulet, quoi. J'espère que t'as pas mis trop cher non plus. Ah hein. Oh, mais 95 balles. Écoute, mais on parle pas d'argent ici. Oh, t'imagines le 95 truc. Balles que tu me dois d'ailleurs. Et Ah putain, trop et bien. Du coup, bah vas-y, parle-nous-en un peu parce que. De Déponia. Ouais, moi, j'ai vu la jaquette, ça m'a plu. Déponia, c'est un point and click à l'ancienne. Ah yes. Des décors. On est des gros fans. De ouf, une cinématographie dans le jeu et une histoire. Moi j'ai découvert ça donc cette année, hein, il y a même pas un mois. A priori c'est déjà un jeu qui est sorti il y a très très longtemps sur PC. Il existe même un Déponia 2, chose qui n'est pas du tout étonnante lorsque tu feras quand tu seras à la fin du jeu. Et moi qui suis très très fan des point and click à l'ancienne, comme d'ailleurs je me suis remis là sur Full Throttle. Yes. J'avais refait donc les Day of the Tentacle. Voilà, donc là j'étais en train de chercher quelque chose qui allait pouvoir autant m'amuser que m'ébahir. Et banco sur ce jeu. Je trouvais il avait pas tant fait parler de lui. Et, non, pas trop. En termes de direction artistique, de mise en scène, des énigmes en elles-mêmes, moi j'ai refait un bond de 20 ans en arrière où tu te cassais vraiment le cul. Où tu sais, ces moments où dans les point and click, tu as une vingtaine d'objets dans ton inventaire et sur chaque chose qui va être cliquable, tu passes en revue chaque élément tout, de ton inventaire parce que tu dis mais merde, comment avancer. Et là, ce jeu. au début, c'est assez simple et ça monte au fur et à mesure en complexité. Yes. C'est pas quelque chose qui va te retourner la tête, mais pour le finir, moi, je me suis accroché vraiment pour réussir à le terminer. Yes. Et j'ai passé. Alors, il est pas forcément très très long, mais il est ultra plaisant à faire. Donc, comme la dernière fois, on en avait discuté et tu trouvais que le design, quoi, ça te parlait aussi. Ah ouais, grave. Là, j'ai réussi à le trouver version boîte, mais alors en plus, c'était pas du tout ça que je cherchais. J'ai fait, mais non, ça va être ça. Parce que merci en tout cas. Je vous envoie les applaudissements. Merci à vous deux. Mais c'est vrai que pour les aficionados un peu comme nous de point and click, faut quand même pas charrier. Sur la PlayStation 4, on est quand même assez servi. Il y a énormément de jeux comme ça, nous on aime beaucoup, et c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Bref, allez, on continue, on enchaîne un petit peu sur le 3, parce que moi je vais pas rentrer trop tard, parce que c'est ma première reprise de travail, et ça pique un peu quoi. Ça pique un peu sous les aisselles quoi. Alors bon, qu'est-ce qu'on a vu pour la conférence d'Ubisoft? On a vu direct Mario et les lapins crétins, le royaume de la bagarre. Moi j'ai trouvé ça hyper chelou. Bah, première fois déjà que des personnages Nintendo vont être équipés d'armes. Oui, c'est vrai. Déjà, premier fait. Et je trouve un gameplay auquel moi je ne m'attendais pas du tout. Moi, en ayant vu les images, ouais, je m'attendais à un party game, à une sorte de rumble où on allait pouvoir. Et pas du tout. Là, c'est vraiment du tactique. Chaque personnage va avoir un petit peu, comme une classe, son type de déplacement, sa longueur de déplacement, puisque ça va être sur une zone où on va pouvoir avec un personnage se déplacer de tant de carrés. Et pouvoir faire après tant d'actions derrière. Et là, chaque personnage va avoir ses capacités propres et ses techniques propres. Et on va pouvoir même créer des combos à plusieurs. Donc vraiment un côté ultra tactique pour les défoncer les gonzes en face. Ouais. Alors, ce qui était assez émouvant dans cet extrait, c'est que donc il y a Shigeru Miyamoto donc qui est venu sur scène donc le créateur de Mario, de Zelda entre autres. Et en fait, il a nommé le directeur créatif de ce jeu, donc Mario les lapins crétins. Le mec, c'était un gros barbu viking, et il pleurait le gars. Et Miyamoto a dit en japonais, voilà, moi je lui ai dit, t'as carte blanche, tu fais ce que tu veux, mais fais un truc qui a jamais été vu, quoi. Et le mec a pondu ça. Et le gars, il pleurait, quoi. C'était ouf. Ouais, d'accord. Et c'est hallucinant de voir ça. Quand même, Il y a eu des larmes. Il y a eu beaucoup de larmes. De Mario, mais voilà, concrètement, il lui a donné Mario en disant, c'est vous qui allez vous occuper de développement. On va rien dire derrière. Les personnages, vous les faites, c'est à votre sauce. Et vous faites le jeu comme vous le voulez. Ah, ouais. Il y a eu énormément de larmes cette année. Même Michel Ancel, on en parlera à toute fin, parce qu'on va pas griller les étapes. Mais même Michel Ancel, créateur de Rayman, entre autres, et des Lapins Crétins, a lâché sa petite larmichette. Mais on vous dira pourquoi à la fin. Ouais, c'est normal. Ouais. On le dit pas tout de suite. Non. Alors ensuite, il y a un jeu qui m'a surpris, moi, c'est Skull and Bones. Alors moi, c'est un de ceux qui m'ont le plus hypé du coup. C'est vrai. Conférence Ubisoft. Ah bah vas-y, je le prends si tu prends. La seule chose, c'est que. Et j'ai pris le live, les gars. Pardon, je te coupe. Non, bah, ça y est, j'ai pris le live sur PS4. On va pouvoir. Ah. J'en ai profité. Il était à 34,99. Oui. Très bien. Et là, en fait, tous ceux qui ont aimé Assassin's Creed Black Flag avec tous les combats navaux. Ça passe. Du coup, c'est juste, voilà, on retrouve tout ce qui avait fait le sel de Black Flag. Ben moi, j'ai les champs de marins en pleine mer. Danser la gigue, quoi. À plusieurs, sauf que là, on est vraiment sur une version full online où on va pouvoir, et en coop, et contre des gens qu'on ne connaît pas, pouvoir défoncer des armadas. Ça va être trop bien. L'histoire de départ, en fait, ça va être un des pirates, donc le personnage qu'on va incarner. Qui a refusé la grâce du roi et qui ne se range pas du côté, on va dire, militaire, donc des armées, des flottes en bateau, et qui va du coup un petit peu quitter le monde de la piraterie qui a pris naissance dans la mer des Caraïbes et qui va partir un petit peu, amener cette piraterie et essayer de faire fortune du côté de la mer des Indes. Et donc on va commencer dans un environnement des Caraïbes, tout ça, et on va partir, on va longer les côtes, se retrouver en Inde, puisque ben, la route des Indes va être ben, oui, la route sur laquelle ben, ils vont pouvoir faire fortune, vu que les Caraïbes c'est un petit peu saturé maintenant. Et ben ça, ouais, tu vois, ça même si très, ça très nous bon, pendait au nez, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignaient des batailles navales et tout, mais un standalone là-dessus, c'était presque évident. Enfin, tu vois. Ouais, et puis enfin graphiquement, on retrouve la patte du Bissot. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il, moi il j'ai claque, cru que c'était un nouveau Black Flag hein, quand oui c'est vrai que oui ça répète coup, une ouais, suite presque ouais, ouais. C'est, Et va y avoir des femmes pirates, il va y ah avoir ouais, alors on va être, ils ont pas souhaité donner tous les noms des personnages historiques ouais, qu'on va pouvoir également rencontrer, un peu sous le même principe que le Assassin's Creed Origins ouais, mais on va être amené à affronter des pirates somme toute célèbres. Yes. Alors ensuite cool, on a pu voir on va essayer d'enchaîner un peu histoire de, enfin on a le temps, mais The Crew 2. Alors ça je sais pas trop. The Crew 2 parce que le 1 j'aimais bien. Pas du tout accroché au 1. Alors attendez une seconde. Donc le, attends, j'ai la date. Skull and Bones, c'est prévu PC, PS4, Xbox One, automne 2018. De toute façon c'est simple, tout leur grosse licence ou leur ils sortent prochaine, ben soit ça sera trop octobre long, 2017 ou ce sera octobre 2018. C'est pas petit suite tout suite. Ubisoft va faire très très mal cette année à votre porte-monnaie, mon anniversaire ah, oui, étant toujours au mois d'octobre et les plus gros morceaux étant ah, oui, autour de mon anniversaire. Carrément. Sachez-le. Quoi. Donc ouais, The Crew 2, donc The Crew 2 lui c'est PC, PS4 One et Xbox One X, donc c'est un jeu de bagnole en monde ouvert. Attention, là c'est réducteur. C'est plus qu'un oui, jeu de bagnole. Oui, c'est vrai que c'est ouais, plus ouais, oui, ouais, ouais, carrément. Là aujourd'hui, on s'attaque on avait déjà aux les avions, voitures, la moto, on va avoir les avions, les bateaux ouais, les hors-bord. Donc voilà, aujourd'hui, on quitte le bitume et donc la map des États-Unis a été complétée. Déjà qu'elle était hyper grande, elle représentait plus de, je sais plus combien, 55 000 mètres carrés ouais, de route. Et là, ben en fait, ils l'ont fait évoluer et en hauteur et en largeur. La carte sera pas plus grande physiquement à la regarder, mais par contre, on va pouvoir accéder dense, ouais, à des plans d'eau et ouais, on va également voyager dans le ciel. Donc, à voir. À voir quand même. Oh, ça non, peut être rigolo. Plus que ça. Mais je suis pas hypé. Ouais. Bah, moi, j'ai peur que les gens vont de suite essayer tout ce qui va être bateau et avion. Et concrètement, après, ouais, je pense que, enfin, malgré tout le contenu additionnel qu'ils ont fait par rapport au premier opus, je sais, enfin, moi, je suis pas plus hypé que ça. Ça va rester la même chose. On va encore retraverser les États-Unis. Mais voilà, est-ce qu'on va faire les mêmes circuits à chaque fois et à moto? Alors, chose qu'ils ont sorti, c'est que pour ceux qui auront fait le premier et qui ont un compte, s'ils s'inscrivent donc bah, dès hier en fait, ils pouvaient s'inscrire déjà pour pouvoir participer aux bêta ouvertes fermées qui feront donc au niveau de The Crew 2. Et pour ceux qui auront déjà, donc ils vont lier leur compte sur ben, l'inscription sur les nouvelles bêta, ils pourront se remettre sur The Crew 1 et il y aura de nouveaux défis qui vont apparaître yes, du coup, et qui leur permettront de pouvoir d'ores et déjà débloquer et à la sortie de The Crew 2 avoir des véhicules qu'ils n'auraient pas eu à la sortie du jeu. Ok, bon bah tu vois, après The Crew 1, moi j'ai passé des bons moments dessus, c'était surtout un jeu que tu pouvais un peu détourner avec tes potes, genre c'était, allez on se retrouve à New York, et puis bah le premier à San Francisco il a gagné tu vois. Et donc tu fais la course un peu sans passer par les trucs du jeu tu vois. Tu fais ton truc un peu perso en ligne. Y avait ça. Alors ensuite, alors moi ce jeu il me dit rien du tout. C'est un truc de fou. Alors ça s'appelle Starlink Battle for Atlas. Est-ce que c'est, alors celui-là je crois que j'avais pas chopé le nom et vu le nom ça m'étonne pas, ça doit être celui-là. C'est pas celui-ci où tu rajoutes des gadgets sur ta manette? Exactement. Alors on dirait ouais, les ouais, Skylanders. Alors ça c'est mort. Ça sent l'accident industriel direct. À part sur Switch. Je alors pense. Y a pas ça peut plaire à ceux qui font de la collectionnisme. Pas dit, ouais. Mais le truc c'est qu'ils sont pas très beaux les vaisseaux. Sachant quand même que le jeu va pouvoir être jouable sans acheter aussi les accessoires. Parce que ah oui. Tout ce qu'on va pouvoir ah, ça, acheter ça change tout en éléments pour rajouter sur l'espèce de vaisseau qu'on va poser au-dessus du paddle, on pourra les acheter de la même façon avec la même monnaie virtuelle du jeu. On pourra les acheter dans le jeu. Donc les gens qui auront les moyens de s'acheter, on va dire la version physique et les éléments à rajouter, sachant que le jeu, voilà, le principe, c'est on va pouvoir, en fonction des scores qu'on fait, acheter des nouveaux équipements, et là, on va pouvoir se rendre dans un magasin, acheter de nouvelles tourelles, par exemple, et les poser physiquement sur l'engin qui est relié ah oui, à la manette, sur l'engin et appuyer directement sur la tourelle pour que dans le jeu, la tourelle se mette à tirer. Alors, ils auront fait une version et physique et une version dématérialisée pour ceux qui n'auraient pas les moyens de pouvoir se lancer ouais, dans cette collectionnite-là. Mais bon, on verra. Vraiment pas de... Ouais. Alors, ouais. Ensuite, Ubis ont parlé un petit peu de VR avec un jeu qui s'appelle Transference, qui sera aussi disponible sur PC One. C'était déjà vous d'emmener le fer de lance. Exactement. Ouais. Ça a l'air complètement chelou. J'aime déjà moi. Ah moi je. Si moi, c'est en VR, je dis oui. Bah mais moi j'aurais aimé voir un peu les images du jeu quoi, parce que là. Alors attends. Non mais une fois de plus, comme dans tous les trucs dans cette E3 de cette année 2017, il est prévu pour le printemps 2018. Ouais. Donc toi, en fait, ils ont même pas le quart du début quoi. Après. L'idée est plutôt pas mal dans le concept. On va pouvoir parcourir la psyché de plusieurs personnes en lien avec une grande bâtisse. Et forcément, on va se retrouver dans des psychés plutôt malsains. Et on va parcourir ces différents mondes qui, concrètement, vont être différents psychés qui vont nous permettre d'en apprendre un peu plus sur le secret d'une fameuse maison. Ouais. Et c'est surtout une expérience cinématographique. Ils ont bien appuyé dessus. Ouais. Ça va être une balade. Ouais, c'est une immersion. C'est un jeu d'immersion. C'est un jeu contemplatif. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que juste après, alors là, on va parler de Far Cry 5. Et ensuite, on va parler de South Park. Et en dernier, on fera Assassin's Creed Origin. T'as oublié un bon, quand même. Ah ouais, t'as oublié le principal qu'ils ont annoncé en tout dernier à la conférence. Ah oui, bah oui, carrément. Ah oui, non, mon frère. Oui, carrément. Donc bon, Far Cry 5, moi, j'en attendais pas trop. Et finalement, ça m'a pas donné du tout envie. Ah ben, moi, si, bizarrement. Ah bon? Moi aussi. Bah, on le fera ensemble, si je sans cop. Ça va même refaire aimer la licence, moi. Ah ben, franchement, je trouve pas ça assez exotique. Encore les States, Trump, j'en ai jusque là, tu vois. Non, franchement. Ouais, mais moi, je pense que ça va me permettre de pouvoir également, régler mes comptes avec le clergé. Et, et je pense que, enfin voilà, je me suis mis dans l'optique d'accepter quel était le background du jeu. Et je pense que, enfin moi, les mécaniques de Far Cry, elles m'ont toujours plu, notamment plus sur la dernière parce qu'il n'y avait pas de grenade à fragmentation, ouais. Et on avait un arc et des flèches et un carquois. Mais le principe du craft, si quand il est bien fait et que ça fonctionne, ça fonctionne. Moi, je me vais bien me laisser tenter par aller taper du pas du Yankees mais du Redneck. Du Redneck. Ouais, voilà. Carrément. Mais ouais, bon, moi honnêtement, alors, on sait tous, je l'ai dit il y a 15 jours, moi c'est un univers qui m'attire par rapport aux croyances tout ça. Et là avec ce qu'ils ont montré, je me suis dit putain, ouais, ça peut vraiment être sympa quoi. Je sais pas moi, ça m'a un peu refroidi. Justement, ça coûte pas un peu de du Far Cry qu'on a l'habitude de voir où on est toujours sur une île paradisiaque où on mettra jamais les pieds. Ouais. Et ou alors préhistorique, alors même si le préhistorique, moi c'est un des rares que j'ai aimé en Far Cry, et là je me dis pourquoi pas quoi. Ouais. Franchement. Bon. Ouais. Bah moi je m'en fous, voilà. Moi je m'en bats les couilles, clairement. Non, bah clairement. Fou ça passe, la série, ça passe pas. J'ai pas spécialement suivi, j'avais bien kiffé le 4, mais ouais, c'est exactement ça, on s'en bat les couilles. Moi perso, ouais, y a rien à dire. Yes. Alors après, juste avant qu'on s'attaque le gros morceau quand même des deux qui restent. Alors on a une petite annonce sur Steep, un nouveau DLC qui a l'air complètement foireux. C'est sur les Jeux Olympiques. Ouais, ouais. Franchement, que ça va coïncider en fait en décembre, oui, voilà, la sortie des Jeux Olympiques. Alors que le jeu est. Est-ce que je le redis? On s'en bat les couilles. Non. Le jeu est totalement. T'es lâché dans la nature et là tu te retrouves à faire des pistes hyper cloisonnées. Je suis pas sûr. On a vu un petit peu de South Park. On a la date. C'est le 17 octobre prochain pour l'Annal du Destin. N'oubliez pas, 17 octobre. Ouais. Ouais. Bah, moi, j'accroche pas des masses, donc on verra. Ah, et puis non, alors, il y a quand tellement même le premier truc, que... c'est que les gens qui le prendront, pour le même prix, il y aura le 1 qui sera inclus avec. Yes. Donc ça fait quand même pas mal de belles heures. Et ils ont également parlé d'une version mobile qui va sortir. Oui, carrément. Carrément, qui s'appelle South Park Phone Destroyer. Sur iOS et Android, qui arrive cette année aussi. En gros, ensuite, bon, on a vu Assassin's Creed Origin. Alors clairement, cette licence, on commence à en avoir marre. Elle a été mise en jachère pendant une bonne année. Le dernier en date, c'était donc Syndicate, qui se passait à Londres. Et là, alors retour aux origines. Alors il a pas ce nom là pour rien, parce qu'en gros, bah, ce sera les origines des assassins, les tout premiers, le tout premier assassin. Et ça se passe donc en Égypte. Et moi, je suis ravi. J'envoie les applaudissements. Rien que le visuel. Parce que c'est hyper beau. Rien que le visuel me donne envie de l'acheter, alors que pourtant, vous le savez tous ici, je suis pas du tout un accro d'Assassin's Creed, loin de là. Eh ben ouais, mais à ça, part le Black Flag, de pas y avoir joué, ça fait du bien quoi. Et là, celui-ci, rien que le visuel, j'ai fait waouh. Mais carrément. En plus, enfin, moi, ce que j'aime beaucoup dans les assassins, alors il y a le côté baston et tout, mais moi, ça me dérange pas s'ils se ressemblent un peu entre eux. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ces jeux, c'est vraiment le voyage temporel qu'ils proposent, parce qu'il y a un vrai travail là-dessus. Ubisoft, on peut pas leur reprocher ça. Enfin là, ils ont tout remanié en plus du voyage. C'est hein. un truc de fou. Ils sont allés hyper loin. Aujourd'hui, ils ont fait d'un Assassin's Creed un vrai RPG. Ouais. Où on va pouvoir gagner des levels en temps réel. On va les voir apparaître en même temps. Voilà, vous avez gagné un niveau pendant qu'on est en train de jouer. Donc ils ont vraiment repris ces concepts là et ça va plus être du combat où il va falloir juste faire une parade, esquiver. Là, on est plus près en termes de combat d'un Dark Souls ou vraiment, enfin, d'un jeu de combat vraiment. Il faudra bien anticiper les trucs, quoi. Voilà. Et puis cette fois-ci, on aura tous fait, je pense, le jeu. On n'aura pas forcément eu les mêmes armes, oui. On les aura pas craftées de la même façon, on n'aura pas forcément les mêmes tenues. Là, le personnage, il va pouvoir évoluer. On va pouvoir plutôt, il va y avoir l'équivalent en fait de, il va y avoir un arbre de compétences qui va y avoir trois grosses compétences. Il va y avoir des compétences de chasseur, des compétences de guerrier et des compétences de, je sais plus comment ils appelaient ça. C'est pas druidique, mais presque. Et donc en fait voilà, on va pouvoir choisir quelque part ben, son gameplay cette fois-ci. Donc soit on va être un tank où on va foncer dans le tas et tout défoncer, ou alors on va plutôt baser sur la chasse, le côté furtif et des armes comme ben, l'arc et le bouclier, ou alors ben plutôt dans la dissimulation ou voilà plutôt les potions, donc je me dis enfin un gameplay qu'on va pouvoir se faire à sa propre sauce. Je rigole tout seul parce que je suis en train de m'imaginer comment je vais arriver en mobylette et je vais faire demi-tour là-bas derrière. Mais c'est non merci carrément. De nous écouter, sinon. Oui, ça oui fait non plaisir. Mais je lis le chat. Non mais je suis parti dans mes pensées, ça me fait rire, c'est tout. Ouais, donc en fait, ça sera un Assassin's Creed beaucoup moins linéaire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu beaucoup moins linéaire et surtout avec une partie personnalisation qui va être plus importante. C'est tout nouveau également le gameplay, on va dire avec un bouclier, c'était jamais vu dans la licence. Oui. Ce gameplay-là n'avait jamais été fait non plus. C'était toujours des attaques ou contre-attaques. Là, il va falloir jouer avec vraiment les esquives. Quand les personnages vont t'attaquer à 15 en même temps, ils vont réellement t'attaquer à 15. Ce qui était hyper relou dans les premiers. Hein. Oui. Ah, ça faisait péter les plombs, ça. Dans les premiers, ils tombaient dessus, t'étais là, et des fois, ils sautaient un peu. Enfin, c'était loupé, quoi. Ah non, et puis du coup, on va pouvoir... donc on a vu dans les phases de gameplay qu'on allait pouvoir donc également chevaucher des chevaux. On va pouvoir chevaucher des chameaux. également, alors... rien que pour ça, écoute, dans si les dunes t'as jamais eu l'occasion de le faire. Ah ouais, grave, ça serait une vraie première dans le monde du jeu vidéo, ça. Après, ils ont rajouté donc un gameplay qui commence à être connu aujourd'hui également, mais on va être équipé d'une aiglette. Parce que c'est une femelle, un petit aigle qui va venir et qu'on va pouvoir lancer, qui va servir plus ou moins de drone de reconnaissance. Oui, c'est vrai. Ouais. Qui arrive à faire du vol géostationnaire quand même. C'est très Ubisoft et c'était le cas dans le Far Cry Primal. Tu sais, où t'envoyais la chouette qui faisait un peu du vol. Ouais, c'est ça, c'est que déjà dans. Et qui permet de pouvoir cibler plus ou moins donc à distance les personnages que tu vas devoir assassiner et a priori qui, va vraiment servir au gameplay, c'est cet animal-là. Et on va être amené à croiser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux. Ils ont fait une faune et une flore de ouf. En même temps, le Nil en est regorgé. Oui, c'est vrai. Et va y avoir également donc des phases encore de bataille navale. Mais alors, sur des petites embarcations, sur le Nil, ça va être... les petites pirogues égyptiennes, non. Enfin, ils avaient quand même de grosses régates avec 200 personnes qui ramaient de chaque côté. Oh yes. Et je sais pas, le dernier film historique que j'ai vu sur l'Égypte, moi, c'était Astérix et Cléopâtre. Mission Cléopâtre. Alors, on sait effectivement voilà, que Cléopâtre va faire partie du casting. Ils n'ont pas voulu nommer les autres personnages qu'il y allait y avoir. Ils ont tout simplement fait comprendre que pour se donner une idée des personnages qu'on allait pouvoir rencontrer, il fallait taper sur Wikipédia ce qui s'était passé en 50 avant Jésus-Christ. D'accord. Ah, donc, le Sphinx, les pyramides. On est en moins 49. L'histoire se passe en moins 49. Et donc, eh ben, on va assister à la genèse. Des assassins. Yes. Nefertiti. Ça fait un peu je vais faire pipi. Bon bref, mais alors tiens, juste pour conclure sur Origin, de toute façon, on en fera le test dans l'émission l'an prochain. Il sort le 27 octobre prochain. C'est Day One pour moi, c'est sûr. Et ça se plaint déjà sur le chat de l'édition collector à 800 euros. Parce qu'il y a une figurine de 73 cm. Alors après 93 cm. Donc presque un, ah oui, donc presque un mètre, 93 centimètres, c'est. Elle est à peu près, oui, ah 73 centimètres. Ça, ça fait 70, ouais. Parce que 4, ça, 1 mètre, ça fait. À 900 exemplaires. Ah oui, bah c'est pour ça alors. Ah oui, ok, parce que 800 euros. Et je pense que la figurine va être fabriquée. Alors moi qui suis un gros fanat de figurines. Peinte avec les yeps, ce coup-ci, quoi. Je pense qu'à mon avis, la figurine sera fabriquée par un fabricant du style Sideshow. F4F ou Art Toy, des trucs comme ça, en termes de niveau de, enfin de détail, enfin elle est oufissime, ouais. Que de l'articuler, mais ça sera une grosse maison de fabrication de figurines. Et les 800 euros, certes, faut les mettre, mais je pense que ça sera déjà rien que quand ils ont amené le coffret. Le mec avait une brouette, quoi. Non, mais c'est un truc de fou. La boîte, en plus, donc dedans, il y a des artbooks. Il y a un collier, j'ai vu. Ou ouais, je sais pas quoi, ouais. Il y a le pendentif de Balek, qui est le nom donc du personnage qu'on va incarner. Ça, c'est un peu bizarre comme nom. Balek. Ouais, bah ouais, un peu. Ça, on va le voir sur la toile. Ah bah c'est sûr. Yes. Et puis pour conclure, avant, puis après, on enchaîne sur Sony. Donc on a vu, évidemment, ça faisait 15 ans qu'on attendait ça. On a vu un premier trailer donc en CGI, donc en image de synthèse, de Beyond Good and Evil 2. Yes. Et ça, c'était pas du tout attendu. C'était attendu. Très sollicité, mais pas attendu forcément pour cette année. Mais ouais, on se doutait. Enfin, on en parlait, mais personne n'était sûr que ça viendrait un jour. Surtout pas ça. Enfin, en plus, le, j'y croyais pas, moi. Le trailer est absolument magnifique. Alors, on sait pas trop. J'ai vu, je me suis dit, ils ont pris les acteurs de Chaka Punk. Non, mais grave, on dirait un mélange de Chaka Punk, du cinquième élément, c'est pas trop, ça a l'air extraordinaire. Quoi. Le singe, il est extraordinaire. Et je pense que, enfin voilà, il va y avoir un gameplay où on va pouvoir, avec cette espèce de grappin qu'il a à la main, oufissime. Mais enfin, moi j'ai presque eu l'alarme dès première image où on voit un espèce de gros plan sur un cochon. Ouais. Et oui. Et là, j'ai fait mes saillies. Et le cochon, il est ouf aussi. Mais oui, mais grave, ça me dresse les poils, quoi. Overwatch. Dans le même style, un peu comme ça. Mais ouais, pour moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, mais ils ont pris les acteurs de Chaka Punk pour faire ce gameplay, quoi. Carrément. Le singe et la black, c'est exactement ça, quoi. Ouais, donc Michel Ancel, pareil, hein, il a lâché sa petite larmichette, sur scène. Franchement, il est beau le trailer. Ouais, franchement. Le trailer, chapeau. Ouais, alors en gros, les thèmes un petit peu de ce jeu, c'est en gros une espèce de d'hybrides qui sont un petit peu asservis. Et en gros, nous, on combat pour la liberté dans tout l'espace. Voilà, c'est un peu le délire. Apparemment, c'est une préquelle au premier Beyond Good and Evil, où on incarnait une jeune fille qui s'appelle Jade, qui était doublée par Emma Decaune à l'époque, qui était jeune photographe et qui devait recenser des espèces sur tout un tas de planètes, quoi, en les prenant en photo. C'était un peu couillon quand il pense le truc. Mmh. Sauf c'était que un PokéSnap. Ouais, sauf que tu voyageais beaucoup, tu pouvais prendre des espèces de bateaux et tout, c'était pas mal. Et la grosse nouveauté, c'est qu'il sera jouable en solo et en coop. J'ai l'impression que les éditeurs reviennent petit arrière, à petit sur la coop. Alors vous en avez parlé, j'étais tout à l'heure en voiture, moi le jeu Way Out. Alors putain, j'attends que ce jeu. Ah mais pareil. Quand j'ai vu qu'il était en coop comme ça avec écran scindé en même temps que les actions se faisaient surtout, en même temps. Surtout le développeur l'a clairement dit, il veut qu'on y joue en coop. En coop. Et oui, carrément. Dans le même canapé, côte à côte, voilà, pas en ligne. Tant mieux. C'est génial. Ça c'est ouf. Et il y a de plus en plus de jeux, et cette année à l'E3 il y a plus de jeux qui sont lancés en coop. C'est et vrai. Ça fait plaisir, quoi. Ouais. Enfin, parce que ça manque. Enfin. Carrément. Je suis d'accord sur le fait que les écrans splittés, bah, des fois c'est dégueulasse, mais malgré tout, il faut, putain, quoi. Il faut. Tu vois, entre potes à la maison et tout, il y a rien de mieux. Out, là, quand j'ai vu les vidéos de gameplay, c'est pas dégueulasse, c'est loin d'être dégueulasse. Ah non, mais non. Surtout, tu vois bien qu'il faut, voilà, tu vois bien que t'en as un qui doit faire ça pour que l'autre passe. Ouais. Enfin, on a pas fini de rigoler avec ça, hein, putain. Ouais. Oui. Je sens que ça a été un gros moment. Justement, mais c'est ça qui est bon. Heureusement que Boosty qui joue plus. Oui, c'est vrai. J'ai belle. Yes. Allons, on enchaîne avec la conférence de Sony, puis après on va se quitter là-dessus après mon petit tour de mobilette. God of War. Alors, on va faire dans l'ordre. Alors, en premier temps, donc, alors moi je pense que c'est eux qui ont tout attané une fois de plus. Exclusivité PlayStation, ils dominent, y a pas à chier, quoi. C'est con, mais c'est comme ça. Faut vraiment pas. Alors, je lisais tout sur les réseaux sociaux, les gens qui disaient le contraire, ils sont un petit peu, éblouis par la console qu'ils aiment bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils sont un petit peu, enfin voilà. Ils se rendent pas compte qu'en fait, ils ont tort. Bref. Non, mais c'est vrai. Ah bah si, écoute. Après, pour être totalement honnête, tu vois, j'adore Sony et je suis sur PS4, mais je trouve que c'est pas la plus belle conférence qu'ils aient fait. C'est pas la plus belle, mais on a quand même vu du gros dos. Ouais. Oui. Après, eh personnellement, oui. moi, je c'est plus les exclus qui vont me faire acheter une console bah, plus que la puissance. Et bah, du coup, là, les exclus, moi, qui me parlent le plus, c'est sur PS4. Hein. Et voilà. Bah, moi, c'est pareil. Là, on a déjà un standalone, donc, de Uncharted qui s'appelle The Lost Legacy. En gros, on incarne Nadine et Chloé qu'on a pu voir dans tous les autres épisodes. Ouais. Le trailer, c'est du Uncharted tout craché. Moi, je prends direct. Moi, je suis pas d'accord. Surtout que si on le préco en plus, on a tous les Jack and Dexter d'offert en version remastered. Moi, je le trouve génial. Ça parle déjà de Gandhi, de ça tourne des artefacts dans des trucs. On est dans des temples où il y a de la végétation. J'aime déjà. Ouais, ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr. C'est... Sans Nathan, moi, je trouve que c'est pas Uncharted, quoi. Mais si, si, ça va être génial. En plus, apparemment, les deux vont s'entraider. Je suis pas macho ou quoi que ce soit, hein, pas parce que c'est des filles. Hein. Non, mais tu t'attaches à un perso. Quand tu verras Chloé sortir de l'eau un peu mouillée, tu changeras. Bon, ouais, carrément. Mais, là, sans Nathan, putain, j'ai du mal, moi. J'ai vraiment du mal. Ouais, je pense mais ça va le faire. Après, sans c'est Nathan, très beau. Moi, je suis pas si sûr. Moi, je pense ça sent le caméo, quoi. Ouais. Je pense que, je pense qu'il va passer quelque part. Je vais croiser quelque part. Sur un poster à un moment. Non, mais je pense que, à mon avis, on va peut-être être amené à le croiser dans l'histoire. Ouais, un caméo. Pareil. Moi aussi, parce que là. Genre, ils seront dans un hôtel. C'est toi, Nathan? Toi. Ben, parce que, enfin, il y a, au départ, si on reprend les Uncharted, il y a eu une histoire d'amour entre Chloé et Nathan avant qu'ils rencontrent sa chérie journaliste. Ouais. Donc il y a déjà une histoire d'amour avec eux. Et, voilà, je pense qu'il y a moyen de le croiser. Il y a moyen de moyenner, quoi. Ensuite on a eu droit. Alors ça c'est prévu pour le 21 août. Si je dis pas de bêtises, le 28 pardon. Ensuite on a eu le droit. Alors ce jeu, plus ça va, plus moi il me hype à Days Gone. Donc le fameux jeu avec les milliards de zombies qui courent dans tous partout, les coins. Ouais. Eh ben franchement cette présentation, eh ben m'a pas revendu du rêve. Eh ben écoute, moi j'ai. On dirait The Last of Us chelou. Voilà. Ouais. Merci. Ouais, ouais. Tu l'as dit pour moi, c'est un The Last of Us en version bourrin, quoi. Ouais c'est ça. Ouais. Tout arrive sur ta gueule et voilà. Ils ont essayé de. Enfin, ils ont essayé. Je m'avance peut-être un peu là parce que le jeu n'est pas sorti. Mais dans le trailer, enfin dans la vidéo de gameplay, on voit clairement qu'il y a un relationnel avec les humains qui est complètement comme dans un monde post-apocalyptique, c'est-à-dire qu'il y a des clans, ils essayent de tuer machin. Et t'as ces fameux zombies là qui sont en mode 21 jours avant la nuit là, ou je sais pas quel film. D'ailleurs là, la musique utilisée c'était celle là 28 jours plus tard. 28 jours plus tard, merci. C'était un mix entre deux films. Et je me suis dit voilà, c'est du The Last of Us dans l'ambiance et graphiquement même j'ai retrouvé un peu, j'ai trouvé la patte un peu The Last of Us. Ouais, même la jouabilité, le mec quand il se déplace doucement et tout. Exactement. Côté un petit et peu. Puis ah oui, après, ce mode bourrinage là de zombies qui courent partout en mode what the fuck. Et là j'ai fait ouais, ça me, alors la première vidéo m'emballait plutôt pas mal. Et là, celle-ci, un peu moins. C'est qu'on a juste l'impression que cette fois-ci, les zombies sont un peu intelligents et que s'ils peuvent se mettre à plusieurs pour faire tomber une barrière et passer en masse, ils vont le faire. Et c'est que même si on se réfugie en hauteur, à un moment donné, on va se les retrouver en hauteur aussi, puisqu'ils fracassent les murs, ils grimpent. Moi, ça m'a fait penser au film de zombies qu'il y avait eu avec Brad Pitt, où c'était la première fois qu'on voyait des zombies. World War Z. C'est comme quand il y a un jour sous la nuit. Voilà. Ah, ils ont changé les zombies, c'est plus comme dans Resident Evil. Bah, parce qu'en fait, c'est comme dans Walking Dead. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce qui fait peur, c'est l'homme. Et plus le zombie, parce que le zombie en lui-même se déplace très lentement. Et, ce qui avait changé un petit peu la donne dans le monde des zombies, c'était qu'ils se mettent effectivement à courir et qu'ils soient dotés. Ils aient la rage en plus. C'est ça. Ils soient hyper forts, hyper. Et voilà. Et là, dans celui-là, voilà. Alors moi, les premiers trailers m'avaient rendu curieux. Ce qu'ils ont montré, pas plus. Pareil. Pareil. Ensuite, donc on attendra que tu l'achètes pour qu'on le fasse. Exactement. Ça marche. Ensuite, alors ça, on va passer très rapidement parce que du coup, comme on disait tout à l'heure, les DLC pendant ce genre d'événement, c'est moyen. Donc on a eu droit à un nouveau DLC pour Horizon Zero Dawn qui s'appelle The Frozen Wild. Ouais. Bref. Ensuite, ils ont parlé un petit peu de VR. Alors on a des trucs complètement what the fuck assez rapidement. On a Monster of the Deep Final Fantasy XV. En gros, c'est un jeu de pêche. Comme on parlait d'accessoires un peu couillons la semaine dernière. Et ben voilà, le jeu complètement couillon. Grave. Faut te la faire acheter à canne à pêche. Alors apparemment, il y aura peut-être un petit peu de Skyrim VR aussi. Et ensuite, on a vu Starshield. Alors ça, a priori, c'est un petit jeu en VR. C'est une ambiance un peu futuriste. On est dans un asile de fous. C'est par les développeurs d'Until Dawn. Donc c'est Supermassive Game. Et ça a l'air assez genre un peu à la Bioshock. Un peu le style rétro-futuriste un peu bizarre là, comme ça. Donc à voir. Et apparemment, ça utilisera aussi le gun qui est dans la boîte de Farpoint. Ah ouais. Donc à voir, ça a l'air ma foi sympa. Et ensuite, voilà, Vladadam, ça a été le drame. On a vu Kratos arriver. Le drame. Ah ouais. Écoute, pas d'accord entre nous deux. Ben moi, j'ai pas trouvé la présentation oufissime. Je m'attendais à un truc de ouf. En fait, je trouve que c'est trop dans la nature. Moi, ce qui me plaisait chez Kratos, c'était ce délire un peu dans des décors, tu sais, l'Olympe, voilà, l'Olympe et tout. Tout ça, ouais. Là, t'es dans la forêt. Je serais tenté de te dire, comme dans Days Gone, comme dans Guerrilla, comme dans machin. Et la forêt, en ce moment, on en bouffe. Hein, putain, si t'es pas hyper, alors je suis d'accord sur le côté un petit peu The Last of Us. De cet épisode où je trouve que si ouais t'as l'adulte, t'avais le gamin et puis ça se balade dans la forêt, mais alors par contre moi j'ai trouvé ça hallucinant quoi. Ah oui, après ça pète, mais c'est les décors, tu vois, j'ai peur que ça soit trop en extérieur. Je suis hypé de ouf quand tu vois le gros serpent débarquer. Je pense que là ce qu'on voit dans la forêt, je pense que c'est tiens, c'est des gens qui passent par la fenêtre. Je pense que là, ce qu'on voit dans la forêt, c'est rien du jeu. Ouais. C'est rien. Parce qu'à mon avis, on va se retrouver dans des paysages. Ah, parce que le moment où justement il y a ce putain de serpent là qui surgit, je pense qu'ils sont dans des grottes ou dans des trucs comme ça. Ouais. Et je pense qu'on va voir des trucs. Mais c'est puis, ça. On voit à un moment une vasque romaine ou un truc du genre. C'est ça. Moi, déjà, rien que ça, je me dis. Il cache des trucs encore, il garde des cartouches. Ah mais clairement. On attend de voir. Ouais. Le fait que ça soit un peu paysage scandinave et tout, pareil, à mon avis, il y a des trucs qui sont encore cachés. Est-ce que va y avoir un lien avec les dieux vikings ou quoi? Je pense qu'on va faire du bateau. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est quand on prend toute la faune et la flore de tout ce qui va être dieu et mythologie dans les pays scandinaves et notamment chez les vikings. Ça va donner lieu, à mon avis, il y a plus de dieux vikings que de dieux grecs. Oui, ouais. Ah ouais. Donc, on va être amené. Je pense qu'on va changer d'environnement, mais moi j'attends qu'une chose, c'est qu'à un moment donné, on soit dans la forêt. Je pense qu'après, on va tomber dans une citadelle, mais de glace. Voilà, c'est ça que je veux, moi. On va se retrouver certainement parce que, il y a des volcans là-bas aussi. Ouais, ouais. On va pouvoir se retrouver sous terre. Et je pense qu'en effet, il nous montre que la partie visible de l'iceberg, c'est que tout le sel de ce qui fera le jeu. Déjà, ils sont forts parce que ça fait plusieurs fois que sur cette licence, on connaît Kratos, on le sait qu'il se bat avec les chaînes du là, il a une putain de hache. Je sais plus comment, leur nom, les chaînes j'ai du destin, je sais plus quoi. Là, on va changer de gameplay, on va avoir du gameplay à la hache. La Viking, quoi. Il va changer d'arme, voilà, il va pouvoir changer d'arme et j'attends vraiment fortement. On a un indice quand même sur les décors. Je rebondis sur ta caverne de glace, tout ça. Les ennemis, il y a beaucoup d'ennemis qui me font penser aux marcheurs blancs dans Game of Thrones. D'accord. Et je pense qu'il y a, il va y avoir une. On va croiser les Lannister. Il y a beaucoup d'ennemis qui ont des yeux en glace, des morceaux de glace sur eux. Mm. Et effectivement, je pense qu'on va y avoir. Et je pense que les boss colossaux qu'on a connus dans les précédents opus, on va les avoir. Déjà aussi. Avec le serpent, t'as vu la taille qu'il fait. Ils peuvent pas passer à côté. Ouais. Le mec qui a la massue en lave. Déjà, celui-là, c'est pas un boss, mais. Quand tu vois le mastodonte, tu te dis putain, c'est. Et pourtant, ça sur cette E3, le serpent qui a fait le plus polémique, c'est pas celui de Kratos, c'est le serpent de Assassin's Creed Origin, qu'on voit en toute fin de trailer. Ah, ça me vient. Où on voit une espèce de cobra gigantesque noir, le personnage est tout petit, et qui fonce dessus, et les gens ont déjà un petit peu crié au scandale. Ça fait un peu comme le film. Assassin's Creed, c'était basé sur du réel, et là, si on commence à avoir. Oui, mais ils ont expliqué que c'était. Il était drogué en vrai dans l'histoire. Il avait fumé du papyrus. Concrètement, grosso modo, c'est ce qu'il dit. Il va y avoir une histoire de. Il a pris une potion qui le fait halluciner. C'est Jaffar. Le serpent, c'est Jaffar. Sachant que les mecs, ils devaient être un peu déchirés pour se dessiner de profil déjà. Bon, je dis ça, je dis rien quoi. Mais je sais pas. Normalement, t'as deux yeux, tu vois deux. Normalement, tu vois en 3D quoi. En tout cas, God of War, moi, je suis très hypé de trouver ce Kratos en mode un peu dégueulasse. En mode hipster sur la fin. Ouais, c'est vrai. Qui a un peu dormi dans les rues, tu vois, qui a un peu la barbe, elle est pouilleuse. On voit le mec, un viking, quoi. Et puis c'est quoi ce gamin aussi, quoi? C'est sa femme. Dans le premier trailer, il le dit, c'est son fils. Ça m'intrigue. Avec qui il l'a fait? De voir, tu vois, il en parle avec une meuf à un moment dans le trailer là. Eh oui. Pour moi, il y a un truc encore qui est. Ah non, là, t'as pas le droit de dire que t'es pas hypé. Je suis désolé. Vite fait, mais tu vois comme c'est. C'est casse-couille encore. Casse-couille, ouais. Putain, casse-couille. Il faudrait qu'on trouve de toute façon. Non, mais faudrait qu'il change de couleur parce qu'en fait, vu que c'est en vert fluo, c'est affreux. Et en fait, vu que c'est. C'est normal, c'est casse-couille. Vu que c'est K4SKOU, enfin, tu vois, c'est illisible et du coup, à chaque fois, je galère, quoi. Alors attends, tac, il nous dit ouais, le God of War il fait vide, j'ai pas l'impression de retrouver le Kratos super vénère des premiers épisodes. Ah par contre ouais, le personnage sachant qu'il est quasiment bah, pas il est plus vieux quoi. Eh ben moi je trouve je que c'est le contraire, parce que pour moi rien ne me fait plus peur que quelqu'un d'ultra calme en face de moi. Mais voilà. Et je pense que il a un mode rage cette fois-ci et on le voyait dans les premiers trailers où quand il s'énerve en fait, il a même plus besoin d'armes, c'est juste de la force brute. Ouais, c'est Hulk quoi. Quand il s'énerve dans le premier trailer, quand son fils est à la chasse, tu te dis putain, le mec il garde son sang-froid, mais tu sens bien que derrière, si c'était pas son fils, il aurait bouffé le cerf et pas n'importe comment. Quoi. Ouais, ouais, et puis contre l'espèce de golem contre lequel il se bat, ouais, les ralentis qu'il y a au niveau du visage quand l'autre il lui met une grosse cartouche dans la, fin, dans la non, face. Mais... c'est, je pense qu'honnêtement là, ils vont faire du très très lourd. Ouais, il va être sale. Ah ouais, je pense. Moi, il me tarde. Il me tarde quelque chose, c'est ça. Merci Cascouille pour la couleur, c'est cool. Et Goldo, bah écoute, on en parlera en antenne si tu veux. Là, je vais pas avoir le temps comme ça, mais envoie-moi un petit message sur Facebook ou Twitter, c'est cool. Ensuite, on a eu le droit au jeu de Quantic Dream, Detroit Become Human. Oh, celui-là aussi. Ah bah alors là, je suis hypé de ouf, quoi. Ouais. Moi David déjà, Cage, j'y fais confiance, quoi. Enfin, j'aime ce qu'il fait. Bah, j'adore. Et celui-là, le fait de pouvoir refaire même plusieurs fois l'histoire et changer les embranchements, enfin voilà, c'est des jeux qui te procurent vraiment des sensations, des réactions, c'est ce que t'as envie de faire, t'y arrives pas forcément. T'es impliqué dans le jeu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça te fait transpirer. Ça t'implique en faisant des choix, en te disant, ouais, mais si j'avais fait, ben non, t'es obligé de faire un choix, et ce choix aura une conséquence. Alors après, c'est toujours délicat ce genre de jeu, parce que t'as toujours envie que justement le moindre petit choix fasse que, on dit, le battement d'aile d'un papillon à Singapour crée un tsunami à 2 km plus loin. mais enfin voilà, on a envie de ça. David Cage nous a déjà promis pas mal de choses sur les jeux qu'il a sortis, et bah moi j'ai quand même rarement été déçu de ce qu'il nous proposait. C'est clair. Et celui-là, ce côté futuriste un peu, mais moi le thème me fait hyper de ouf. C'est vrai que l'ambiance a l'air, ma femme est ultra fan de robots en plus, donc moi voir une rébellion de d'androïdes et de robots contre les humains, à l'AI-robot, quoi. Ouais, voilà. Oui, ouais, mais à partir du moment où les robots, on arrive à leur refiler des sentiments, forcément, et qu'on finit par se poser la question, de est-ce que le robot a développé lui-même d'autres sentiments, ou est-ce qu'il est capable, enfin, d'agir en fonction de son environnement, là, on est en plein dedans. Là, c'est l'intelligence artificielle, et qui est traitée de façon. Ça m'a fait penser à la série scandinave que je t'avais passé là. Qui s'appelle Real Humans, où justement c'est des robots avec des émotions, un petit groupe juste qui a été créé un peu plus poussé que les autres robots, et au final ils viennent à se rebeller et à essayer de un peu comme Westworld également, la série qui était sortie que j'ai adoré d'ailleurs, et du coup voir ce sujet là encore plus poussé et dans un jeu avec divers choix possibles où t'es impliqué à 100%, ben moi ça me fait kiffer, ça fait du bon. Ah ouais. Et puis graphiquement, il y a beau dire Quantic Dreams, il y a pas de photo. Voilà. Les mecs, ils ont rien à prouver en plus. Bah, ils ont déjà fait des jeux magnifiques par le passé. Oui, oui. Et là, sur les consoles qui sortent à l'heure actuelle, ça peut être que magnifique. Alors, est-ce qu'on va encore retrouver Ellen Page? Il y a de fortes chances, je pense. Ouais. Mais voilà, moi je suis juste fan. Yes. Allez, très rapidement on enchaîne, sinon on va vraiment être à la bourre. Ensuite, on a eu un petit peu de Destiny 2. Donc on s'en fout, on passe rapidement, c'était juste pour nous dire que c'est juste pour nous dire que les joueurs PlayStation 4 ont des armes, des tenues et des vaisseaux exclusifs, voilà. Enfin, super. Ensuite, on a vu un petit peu de Call of Duty World War 2. Rien de nouveau sous le soleil, voilà, c'est un Call of. Et ensuite, on a vu du Monster Hunter World. Alors ça peut être assez intéressant. Ça peut être cool. C'est la première fois qu'on trouve un Monster Hunter chez PlayStation. Et on a vu aussi un remastered, remastered de Shadow of the Colossus. Alors pourquoi pas? Moi, ce que je veux, c'est qu'ils remanient le gameplay, hein. Parce que si c'est le même gameplay que sur PS1, on est mal, hein. Ils jouent sur la vibe de... c'est quoi le jeu là avec le gros machin là, qui est sorti sur PS4? Le jeu avec le gros machin. Last Guardian. Ah, The Last Guardian. Il joue complètement. Bah après, sur c'est cette le vague du moment. Hein, regarde la sortie de Rim, c'est un petit peu pareil. Ouais, les jeux un peu comme ça. Sur cette vague là. Ouais. Hein, carrément. Donc ça. Bon. Ouais, mais ça fait PS2, PS3, PS4. Ah bah oui. Normalement, voilà. Quoi. Ah oui. Ouais. Bon, faut pas s'emballer, c'est prévu pour 2018. Je suis pas sûr, effectivement. Mais s'ils font le pack avec ICO, la oui. limite, je veux bien. Mais ouais. faut à pas voir. Leur là, acheter une quatrième fois. Quoi. Ouais. Et ensuite, on nous le demande beaucoup sur le chat. Voilà, ils ont terminé cette conférence Sony. Et puis après, on va se quitter là-dessus avec 9 minutes de gameplay du prochain Spider-Man. Il est ouf. Alors, ah, il est ouf, sincèrement, je pense, moi, que c'est le jeu qui me hype le plus... c'est un Batman. C'est un truc de fou. C'est exactement ce que je lui ai dit tout à l'heure. C'est un truc de malade. On voit une espèce de séquence. Alors au début, c'est un peu d'infiltration. On voit Spider-Man qui est sur des poutrelles, qui bute, enfin qui les bute pas, mais qui cancole. Ouais, les capture avec ses toiles. Donc tous ces personnages et tout. Et ensuite, il se bat. Alors, je crois qu'il s'échappe en hélicoptère et ça fait tomber une grue et on voit une séquence qui est juste hallucinante. Alors, il y a un peu de QTE certes. Mais c'est pas grave quoi. Quand tu vois que c'est ce qu'a mis Monsieur Jean-Luc Salah sur son Facebook, ça m'a fait beaucoup rire. Quand tu vois que la cinématique du jeu est plus jolie que les cinématiques, enfin que les bandes annonces des films. Les films. La mise en scène est folle quoi. Ouais. C'est un truc de ouf. Mais l'ambiance est clairement celle d'un Batman. Alors moi voilà, je suis très très fan de Batman. Quand j'ai vu le gameplay, ils s'en sont clairement inspirés. Ah mais quoi. Carrément, tout ce qui est infiltration et tout. Infiltration, combat. Quand je l'ai vu se battre. C'est clairement du après du Batman. En termes de personnage, c'est un personnage qui est beaucoup plus souple, beaucoup et plus acrobatique. Mais oui, clairement, il aura des combats moins lourds que Batman. Ça, là, c'était vraiment posé sur la pêche, ça, mais c'est ça. Mais ouais, non, mais clairement. Mais après, dans le mode infiltration, puis même quand au tout début, quand il tombe au sol là et qu'il se retrouve derrière les ennemis. Je me suis dit, attends, il va pas les scanner quand même. Je me suis dit, il va scanner pour savoir qui a une arme. On est limite dans ça, quoi. Ouais, mais ça promet du lourd et je suis pas un personnage. C'est pas un personnage que moi qui me vend du rêve. Mais honnêtement, là, j'achète Day One. Et puis, alors, une licence qui avait fait vachement vendre en plus ces Spider-Man là, quoi. Et alors en plus, attention, parce que le studio derrière, c'est pas n'importe qui, c'est Insomniac Games. Alors ils ont toujours travaillé avec Sony, sauf pour un seul jeu qui s'appelle Sunset Overdrive, qui était une exclusivité Xbox. Ouais, bah vu la moue que fait Wayne, non, c'était nul. Ok. T'es qu'on a la radio, donc si tu fais des grimaces, on t'entend pas, par contre. Mais c'est mon silence qui en dit long, en fait. D'accord. puis sinon, bah ils font les Ratchet & Clank. Ouais, rien que ça. Rien que ça. Ouais. Donc Sunset Overdrive, je rebondis dessus, très joli graphiquement. Ouais. L'ambiance est très fun. Par contre, c'est toujours la même chose. C'est redondant, mais alors de ouf. Hein. Mais alors, par contre, l'ambiance, c'est fun, c'est joli, c'est coloré, la musique. Toi qui adore, on a le même style musical. C'est ouf. Je suis pas sûr. Pas de tout. Pas de tout, mais non. Parce que j'écoute des trucs qui sont un peu durs, quoi. Les chansons paillardes, moi aussi. Non, mais très très très dur. Enfin, Nicordi, t'écoutes pas, toi. Non, voilà. Oui. Il y a des trucs que j'aime bien quand ça tape un peu du pied, mais je pense que c'est un peu trop sec. Bon, bref, on va pas parler de ça. Mais non, mais oui, carrément. Moi, ce Spider-Man, je le sens bien, quoi. Il est coloré. Le costume est cool, tu vois. Il y a un délire. Ah, si. Ouais. Alors, est-ce qu'ils vont nous mettre Iron Man comme dans le futur film? Alors après, ils précisent pas que c'est le jeu qui sort en même temps que Spider-Man Homecoming. Bah, justement, sachant qu'on est pas prêt d'y jouer. Rien à voir, moi. Ouais, oui, ça va. Ouais. C'est possible. Un opus à part. Ouais, carrément. Ouais, je pense, ouais. Un peu comme les Batman, les jeux Batman qui sont émancipés complètement des films. Après, il est pas prévu avant 2018. Hein. Ouais. T'es décidément, quoi. 2018, ça va être une année de ouf, quoi. On fait rapidement un petit tour de table pendant que je vais chercher Tonnerre Mécanique, puis on se quitte là-dessus. Kogu, ton jeu qui t'a hypé de ouf. Beyond et Skull and Bones. Ouais. Ouais. Yes. Ouais, ça se tient, ouais. C'est bon. Allez-y, les gars. Ben moi c'est God of War, Detroit Become Human et puis le petit Anthem et Dragon Ball. Pardon, j'ai oublié. En fait, il y en a plein qui m'ont aidé. Je peux pas en choisir deux. Par contre, si je peux juste rajouter une petite info, ils ont montré des images de Marvel vs Capcom et la démo est en ce moment dispo direct sur le PSN. Elle y est ? Ah ouais. La démo du mode story. D'accord. Donc je l'ai mis en téléchargement, on verra bien ce que ça donne déjà. Pour ceux qui aiment les jeux de combat. Et toi, Wayne ? Et moi, pour moi, bah, alors God of War, ça c'est sûr et certain. Skull and Bones. Ouais. Là, moi qui suis fan de Assassin's Creed Black Flag, ça c'est sûr. DBZ, forcément. Cuphead que j'attendais. On entend des bruits dans le studio, les gars. Ça fait peur. Ça c'est incroyable. Et attendez, parce que là je suis en train d'oublier un qui est hyper important. Anthem. Anthem. Anthem, voilà. Et une chose à dire, je suis hyper déçu de ne pas avoir vu quoi que ce soit de The Last of Us 2 chez Sony. Oui, carrément. On n'a rien vu de The Last of Us 2 et je trouve que c'est une honte. Alors qu'un magnifique Xiao. Alors que Jackie Concorde débarque dans le studio. Un magnifique Xiao arrive dans le studio. Mais il est reparti en marche arrière, il le lance, il arrive en courant, c'est magnifique. Il a démarré son carrelage. Oh putain, merde. Tu veux que je klaxonne moi? Alors, il faut... Là, on est en train de vivre un grand moment. Carrément, mais ouais, mais en plus, j'ai enlevé les pédales quoi. Ah bah voilà, bah, la loose, tu peux même pas attends, pédaler pour attends, le lancer. J'essaie, il nous reste quelques secondes, quelques minutes. Alors, pour vous remettre dans le contexte. L'Infernal prend de l'élan dans ce studio pour essayer de démarrer son sirop. Ça sent l'essence, je vous raconte ah même mais ça pas quoi. Fouette, putain. On va partir en combustion spontanée dans pas longtemps. Dès qu'il va démarrer, dès qu'il va y avoir la flamme à la bougie, on est mort. Et ça ne veut pas démarrer. Le studio est trop petit. Il faut que tu partes du fond du couloir en fait. Ouais, mais... par des chiottes. Voilà, par des chiottes. Je suis mort là, laisse tomber. Mais vous, t'as pas de retour depuis tout à l'heure, Kougou ? Non, mais moi je m'en fous, j'en ai pas besoin. Ah bon, mais tu m'entends pas mais... en fait depuis. Si, on t'entend. On est très bon en fait, on lit sur les lèvres. Sur toutes les lèvres. Attends, je fais une dernière tentative, après on se quitte là-dessus. Allez. Ouais. Allez, attention. Allez, alors, qui parie ? Moi je mets 10 billets, comme vous, il y arrive pas. Allez, prends ton élan, on compte sur tu, toi là. Tu les sens les 35 piges là hein. Moi je m'allume dehors et je rentre dedans. Allez, fais-nous rêver. Il est magnifique. Il est bleu nuit, un peu violet. Mais c'est normal, mais bientôt il sera majeur aussi, donc il arrêtera de faire ce genre de conneries. Voilà. Bientôt il passera le permis, il viendra avec sa voiture, ça sera plus compliqué à rentrer. Alors attendez quand il va vouloir faire passer la Smart. On y était presque. On a entendu claquer. Hein. Elle a tout sauté. Allez, le dernier coup. Mais en fait, c'est parce qu'il a mis. Il a mis un roi de pique entre les rayons. Ah, ils ont jamais vu d'émission radio comme ça, ça c'est sûr. Ouais, on est la seule émission de radio de la bande FM où on fait de la mobilette dans les studios. Je vais faire un petit snap. T'auras pas le temps. Oh, presque. Non. Allez, dans le mur quoi. Alors, est-ce que quelqu'un a un constat à l'amiable? Bon, ben on n'aura pas de klaxon. C'était un bel effort. Voilà, t'auras bien transpiré pour que dalle. Bon, ben on le remercie, hein, il nous a fait une belle suée, donc rien que pour ça, je crois qu'il mérite les applaudissements. Oui, c'est oui, ça. Oui. On n'a pas de bouton, mais on le fait en live. Voilà. Bravo. Bravo. Il a bien transpiré, ça sent bien l'essence. Ça sent bien l'essence et la transpiration. Voilà. Donc c'est un savant mélange. On ne sait pas ce qui est le plus désagréable, en fait, entre l'essence ou la transpi. Voilà. Toujours est-il qu'on va devoir changer de studio. C'est oui, bon. Oui, merci. On avait des beaux micros tout neufs, ils puent l'essence. Merci. Voilà. Oh, merci putain. Beaucoup. Ouh. Je suis trempé. On a senti. Alors qu'est-ce que ça dit sur le chat? Merde, Bloodborne 2 les gars font chier. Bah bon, on n'a pas vu quoi. Ils ont oublié plein de choses. Il y a eu des grands absents. The Last of Us 2. Il y a plein de jeux. Uncharted 12, on aurait bien aimé. Shenmue 3. Shenmue 15. Voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore vu. Final Fantasy 7. Après, attention. Après le 3, il y a le 3. Et juste après, il y a une c'est à Cologne. Je crois que c'est en Allemagne. C'est en septembre. Ouais. J'ai tout essoufflé. Ouais, bah, hein. Putain. Bon bref, on se retrouve la semaine prochaine. Le replay sera en ligne que dès demain soir, hein, vers 18h, parce que je peux pas avant. Oui, mais j'ai repris le boulot, donc c'est comme ça. Il y en a qui taffent maintenant. Eh oui, carrément. Ah, puis c'est pas simple. Il fait chaud, c'est haut. Enfin, c'est le bordel, quoi. Puis c'est pas un métier simple non plus. Bref, mais voilà. Ça ouh. Fait de la caillasse. Pense à ça. Oui, carrément. Bah ouais, il en faut de la caillasse pour acheter tous les jeux qui arrivent. Hein. Ouais, ah bah là, oui. Surtout avec cette 3. Ouais, c'est oh putain, clair. Nom de Dieu, quoi. Ça va faire mal, ouais. Bon bref, merci à tous de nous avoir encore suivis ce soir dans nos âneries, dans nos bêtises. Ça c'est cool, j'ouvre le chat, paf. Et puis comme ça, voilà. Bon, merci à tous ceux qui sont restés. Désolé, on n'aura pas entendu le klaxon de la mob. Mais sur le carrelage, en fait, c'est impossible à démarrer. Il n'y a pas assez de... Je sais pas. Ça grippe pas assez. Ouais, ça grippe pas assez. On va dire ça comme ça. Non, mais c'est vraiment plus... On va pas dire que c'est pas performant, on va dire que c'est carrelage. Bref, alors attends, qu'est-ce qui est calé là après? Après, on va s'écouter Microfilm avec Margaret on the Rock. Yeah. Et je vais prendre un whisky on the Rock sans glaçon pour la 12, s'il vous plaît. Bisous les copains, bonne semaine, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao tout le monde. La voix du gars, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. Vous écoutez O2 Radio. Vous écoutez O2 Radio. Sur 91.3.